dont je n'ai pas tant l'habitude que cela, à partir de mes différents travaux. Donc je vais essayer de faire... Je vais essayer de faire ressortir en une heure, ce sera parfois un peu rapide, les principales caractéristiques de ce qu'on pourrait appeler le modèle théorique que j'ai essayé de développer, et en particulier récemment dans l'ouvrage qui vient d'être cité, La crise de la croyance économique, qui est en fait un ouvrage un peu bilan de recherche que j'ai mené. Un peu avant, mais surtout depuis le début de la crise dite des subprimes, dans un premier temps, crise financière, puis crise mondiale. On parle aujourd'hui de crise mondiale, autour de l'été 2007. C'est un projet qui est né dans le courant de l'été 2007, au moment où il devenait évident que quelque chose de très important était en train de se produire. Alors le titre de ma communication fait un peu référence à Charles Wright Mills, auteur d'un ouvrage qui s'appelle Power Elite, publié dans les années 50. J'ai simplement mis au pluriel le mot élite. Je vais revenir sur cette notion. Vous verrez que je ne suis pas vraiment accroché à cette notion d'élite. C'est un peu une sténographie pour moi pour désigner quelque chose d'un peu plus construit que j'appelle plutôt le champ du pouvoir. Donc je reviendrai plus longuement sur la notion de champ du pouvoir et sur la notion d'élite. La question des discours, vous le verrez, a pris une place très importante dans mes travaux, envisagée sous l'angle d'une sociologie des discours, précisément des discours économiques, à laquelle je m'étais attelé dès le début de mes recherches. Et évidemment, tout ça s'inscrit dans le cadre d'une réflexion sur ce que j'ai appelé, près d'autres, l'ordre néolibéral. Là, évidemment, je ne vais pas le définir, je ne vais pas faire de définition préalable comme le prenait Émile Durkheim, mais je vais plutôt essayer de construire cette notion à travers la présentation. Alors, les recherches que j'évoquais, les recherches empiriques que j'ai menées sur la crise prolongent en fait mes premiers travaux, qui en effet portaient sur le champ des économistes, ce que j'ai appelé le champ des économistes, qui relevait, on peut dire, d'une sorte d'intersection entre une sociologie des professions appliquée au monde professionnel. Je mets des S, là encore je mets le pluriel, des économistes, une sociologie de la science, une sociologie de la production des connaissances et des croyances savantes, des croyances scientifiques, et bien entendu, et vous allez voir que je n'ai cessé d'approfondir cette dimension-là, d'une sociologie du pouvoir et d'une sociologie politique. Alors, c'est un peu à l'intersection de ces trois grands domaines, qui sont aussi des branches de la discipline, qu'est la sociologie. Alors depuis ces premiers travaux qui portaient sur le monde des économistes, c'était ma thèse et les travaux qui ont suivi, je me suis progressivement tourné vers des dimensions plus opérationnelles, plus concrètes, plus pratiques, entre guillemets, des savoirs économiques, des savoirs et des formes d'expertise, mais aussi des discours relevant de l'économie. Ce qui a motivé ce déplacement a été, d'une part, l'idée qu'on ne peut pas s'en tenir à une sociologie du monde des économistes sans regarder autour, parce que cet univers, comme j'essaierai de vous le montrer, est en fait immergé dans un champ plus large qu'est le champ du pouvoir, justement. Il est étroitement connecté par tout un ensemble de connexions, justement, ou de liens au champ du pouvoir, mais aussi parce que je pensais que des groupes intermédiaires entre la production des savoirs et l'action étaient fondamentaux, si l'on veut essayer de comprendre la genèse de l'ordre économique. Et en particulier, j'ai beaucoup travaillé sur les dirigeants des banques centrales. Je me suis déplacé du monde des économistes professionnels à un monde qui n'est pas fondamentalement extérieur au monde des économistes, d'ailleurs, qui est en partie séquent avec le monde des économistes, qui est celui des dirigeants des banques centrales, sur lequel je reviendrai. Donc je n'ai cessé de m'interroger sur la question des rapports entre État, droit, régulation, marché, sur la question de la financiarisation, que j'avais déjà pu observer en étudiant le seul champ des économistes de manière assez nette. On peut parler d'une financiarisation du monde professionnel des économistes, de leur système de formation, etc. Mais évidemment, ce n'était pas en soi que cela m'intéressait, mais bien dans l'objectif de comprendre plus largement ce processus plus fondamental qu'est la financiarisation des économies. Les rapports entre économistes, acteurs publics, y compris les acteurs politiques, je vais y revenir, acteurs privés, dirigeants d'entreprises, les rapports étroits entre cette institution particulière qu'est la Banque centrale, que sont les banques centrales dans l'ordre économique contemporain, et d'autres types d'acteurs académiques, bien sûr, les économistes sont en partie des acteurs académiques, et les acteurs des marchés financiers, bien entendu. Donc, ça a débouché sur une forme de sociologie de la finance qui était beaucoup moins présente dans mon travail. Alors vous comprenez, ayant fait ce déplacement, ayant opéré ce déplacement en m'intéressant aux banquiers centraux, au rapport entre État et marché, à la question des banques centrales, à leur place dans le système financier, etc., vous comprendrez que la crise mondiale, donc pour ma part je prends vraiment conscience, comme beaucoup de monde je pense, dans le courant de l'été 2007, en tout cas parmi les économistes, les sociologues qui s'intéressent à ces questions, jusque là des éléments, il y avait des prophéties, il y avait tout un ensemble de discours, mais l'idée d'une entrée en crise était plus hypothétique. Ce contexte de crise a été pour moi l'occasion de multiplier les observations. Alors observation, un séminaire d'épistémologie, donc j'entends observation dans un sens, vous allez voir, assez large, correspond à ma conception de la méthode sociologique. Je reviendrai d'ailleurs tout au long de ma communication sur la dimension méthodologique finalement de ce travail, qui pour moi est très importante, en essayant de l'aborder sous un angle un peu plus épistémologique que je ne le fais d'habitude. Je tendance plutôt à aborder la méthodologie sous un angle plus technique, ce que je ne ferai pas. Donc dans la perspective d'une sorte d'épistémologie réflexive, si vous voulez. J'ai multiplié donc les observations, mais aussi les interprétations, en essayant de développer des interprétations proprement sociologiques, parce que le grand défi auquel j'étais confronté, c'était finalement qu'est-ce que la sociologie, en particulier la sociologie économique, la sociologie des marchés, a à dire finalement sur cet événement planétaire considérable, sur lequel, dès l'été 2007, des masses de discours étaient produits, de discours interprétatifs étaient produits, émanant en particulier du monde des économistes. Donc c'était une sorte de défi, j'ai ressenti cet événement comme aussi un défi, finalement, me disant que si la sociologie économique n'a rien à dire sur la crise financière mondiale, peut-être qu'elle ne vaut pas une heure de peine, finalement, si elle n'est pas capable d'avancer des éléments originaux sur ce qui est en train de se passer, ou si elle ne peut que redire ce que disent les économistes, c'est peut-être pas la peine de défendre la perspective d'une sociologie économique. Avec d'autres, parmi d'autres, essayer de contribuer à défendre cette idée d'une approche proprement sociologique du capitalisme, de la crise financière, de l'économie. Et c'est un peu dans cette perspective que je me situe. Si on voulait jouer au jeu des étiquettes, je dirais que j'essaie de participer à une sociologie politique du capitalisme aujourd'hui. Je pense que c'est un label qui décrit assez bien ce que j'essaie de faire. En tout cas, ce que j'essaie de faire dans la crise de la croissance économique et dans d'autres travaux, tout ce que je fais ne se réduit pas à ça, mais c'en est une grande partie, dans la perspective inaugurée très largement par Pierre Bourdieu dans les structures sociales de l'économie, je suis vraiment dans le prolongement de ce travail et de cette montée en généralité que Bourdieu avait opérée à partir d'une enquête sur la maison individuelle, et aussi de travaux comme ceux de Neil Flickstein aux États-Unis, d'auteurs qui s'intéressent en particulier à la dimension politico-institutionnelle des marchés et du fonctionnement de l'ordre économique. La question que je me posais dès le début était évidemment la question de la permanence, la persistance de l'ordre néolibéral, dont j'avais dans des ouvrages précédents décrit un tout petit peu le fonctionnement. Je vais y revenir, je vais reprendre un peu certains des acquis selon moi de ces travaux, dans le contexte d'une crise financière très violente qui semblait accélérer une forme de désagrégation, de démantèlement, d'élitement, enfin les mots sont difficiles à trouver d'ailleurs, ébranlement, j'ai beaucoup utilisé aussi cette expression, de cet ordre néolibéral. Lire la crise comme l'accélération d'un ébranlement qui était déjà à l'œuvre. avec en particulier, depuis la précédente grande crise financière, celle de la fin des années 90, 97 en Asie, 98 en Russie, avait conduit à une remise en cause très partielle, très limitée, de ce qu'on appelait le consensus de Washington. Le consensus néolibéral qui était, finalement, c'était le label à travers lequel on décrivait finalement le consensus de politique publique que l'on peut qualifier d'ordre néolibéral. Et en tout cas, qui est une des façons plus exactement de qualifier l'ordre néolibéral, dont les racines et dont les logiques sont plus profondes. Voilà. Alors je vais, dans cette présentation, donner un tour un petit peu hypothético-déductif à la façon de raisonner qui est la mienne, alors qu'en réalité, ma perspective est très inductive, sans être hyper inductiviste. Hein, je pense qu'on va discuter de ça, mais au sens où je suis d'abord un chercheur de terrain, travaille sur des matériaux empiriques, qui construit des objets empiriques, et en mobilisant évidemment des théories, et surtout en essayant de les faire avancer à travers le travail empirique. C'est un peu dans la lignée de la posture qu'a développé Bourdieu, hein. L'idée que la théorie se construit vraiment dans le travail, la théorie sociologique en tout cas, dans le travail empirique. Donc ça c'est aussi pour évidemment poser les bases aussi de la discussion. Je sais que comme mon laboratoire, vous êtes un laboratoire pluridisciplinaire avec des sociologues, des philosophes, et que je pense qu'il vaut mieux poser d'emblée le cadre dans lequel on se place et le type de démarche disciplinaire dans lequel on s'inscrit pour mieux communiquer. Je pense que c'est une des façons de rendre possible et même sans doute de favoriser et de rendre effective et efficace la discussion interdisciplinaire. Mais on pourra revenir là-dessus. Alors, premier constat donc en introduction, évidemment l'économie et l'histoire traitent de façon constante du capitalisme, ses transformations. Alors l'économie, surtout les courants hétérodoxes quand même, il faut bien le dire, la notion de capitalisme n'est pas très présente dans l'économie orthodoxe, elle va presque de soi. On décrit une économie qui est régie par des marchés. On ne peut pas dire qu'il y ait vraiment une analyse socio-historique du capitalisme dans l'économie néoclassique dominante, mais évidemment dans la socio-économie, dans les courants hétérodoxes, et dans très nombreux travaux, dont certains faits à Nanterre, on aborde de front la question du capitalisme. En philosophie aussi, en histoire, histoire économique en particulier, l'idée d'étudier les transformations du capitalisme, la dynamique de financiarisation dans la période récente, quasiment de soi, c'est une notion qui est beaucoup travaillée. Le paradoxe, c'est qu'alors que la sociologie classique en a fait un concept central, qu'il s'agisse de Marx, mais surtout de Weber, ou même des sociologues durkheimiens de l'économie, dans une moindre mesure cependant, il y a assez peu finalement de travaux sociologiques sur le capitalisme aujourd'hui, en tout cas de travaux empiriques. Alors, il y a évidemment des exceptions, Boltanski et Chiapello, un certain nombre de travaux comme ceux de Flickstein, justement, aux États-Unis, Transformation of Corporate Control. Bon, il y a un certain nombre de travaux qui explicitement revendiquent une posture de sociologie du capitalisme, mais c'est globalement assez rare. Il y a plusieurs raisons à cela, je ne vais pas les développer, je pense que ça serait un autre thème. La question que je me suis posée, c'est au fond, quelle contribution de la sociologie à l'étude du capitalisme contemporain. Alors, évidemment, vous allez me dire, il y avait cette contribution de Boltanski et Chiapello qui fournit une réponse. La mienne n'est pas tout à fait la même, même s'il y a sans doute des points communs et des convergences, hein, mais je ne vais pas insister sur ces aspects-là. On y reviendra peut-être dans la discussion. Ma réponse consiste à, me semble-t-il, articuler deux choses. C'est d'une part ce que j'appelle, là encore c'est un peu un label, ça va un peu vite, sociologie des élites, qui se situe dans la lignée des travaux de Bourdieu et de son école sur les classes dominantes, ouvrage de référence, si vous voulez, une référence, La noblesse d'État, qui a été l'ouvrage de base sur lequel un certain nombre de sociologues de ma génération qui ont fait leur thèse, leurs premiers travaux dans le même contexte ont travaillé. Je reviendrai sur la dimension méthodologique, en m'appuyant également sur les travaux d'Elias, la notion de configuration, d'interdépendance, qui sont pour moi des notions très très importantes. Et j'évoquais aussi en introduction Wright Mills. Alors je suis beaucoup moins, dans l'héritage de la. De Mills, mais il me semble qu'il y a beaucoup de choses à en tirer, sur lesquelles insiste pas mal aujourd'hui un collègue qui s'appelle François Denord, qui est un spécialiste du néolibéralisme, et en particulier l'insistance sur la diversité des élites, sur l'existence au sein des élites de sous-espaces relativement autonomes. Bon, là, une idée qu'on trouve évidemment fortement développée chez Bourdieu, avec la notion de champ, hein, bien sûr, mais très important chez Mills et moins développé, me semble-t-il, chez Bourdieu, justement, l'enjeu de la coordination entre les différentes fractions des élites. Comment arriver à articuler, à coordonner des intérêts contradictoires en vue du maintien, grosso modo, des rapports de domination dans un système social, système économique et social donné. Donc l'idée ici, c'est que le point de départ de la posture que j'adopte est une description, au fond. J'assume le terme, qui peut paraître déflationniste sur les ambitions qu'on peut se donner, si vous voulez, une posture descriptive quant à ce que sont les élites aujourd'hui, les élites du pouvoir dans différents pays, leurs caractéristiques sociales, scolaires, culturelles, le type de capitaux, de ressources qu'elles mobilisent, qu'elles convertissent, le cas échéant, etc. Et en même temps, les décrire et décrire leur mode de coordination, justement, essayer de comprendre comment peut s'opérer la mise en cohérence d'intérêts, de logiques relativement contradictoires. Ce qui signifie que, pour moi, cette posture descriptive n'est pas purement descriptive, au sens où elle doit déboucher sur une démarche interprétative, les caractéristiques des élites, leur transformation, les caractéristiques sociales et biographiques des élites sont un facteur déterminant des dynamiques observées, en particulier des transformations de l'action publique, de l'action économique, etc. C'est une hypothèse assez forte. Alors, dans l'école bourdieusienne, entre guillemets, ça va tellement de soi que souvent on ne prend pas la peine de rappeler qu'on fait cette hypothèse, que les caractéristiques sociales des agents ont des conséquences sur les dynamiques observées à l'intérieur de l'univers des élites ou d'autres univers, et en particulier en matière d'action publique. Donc je pense qu'il est important de le rappeler, ne serait-ce que pour éviter une lecture qui réduirait cette démarche à une posture purement descriptive. Il ne s'agit pas simplement de décrire les élites pour les décrire. Si on décrit leurs caractéristiques, si on étudie leur parcours scolaire, leur biographie dans toutes ses dimensions, le type de ressources qu'elles mobilisent, c'est précisément parce qu'on considère que c'est là qu'on va chercher les variables explicatives, les facteurs interprétatifs les plus efficaces pour comprendre les transformations de l'espace qu'elle constitue, et plus largement, donc, dans la perspective que je me suis donnée, du capitalisme et de l'ordre social. Voilà. Alors, avec un problème évidemment que j'ai rencontré tout particulièrement dès ma thèse, parce que il était déjà évident que l'internationalisation des élites était un processus très avancé, notamment dans l'univers des économistes, qui est un des univers sans doute les plus internationalisés. C'est encore plus le cas aujourd'hui. Ça n'a cessé de s'accroître. Cette internationalisation conduit évidemment un certain nombre de théoriciens à insister sur la constitution d'une forme d'élite transnationale ou d'oligarchie mondiale qui surplomberait les élites nationales et a fortiori les élites locales. Oligarchie qui serait loin de la France des terroirs et des territoires, pour prendre une expression qu'on a entendue il n'y a pas très longtemps, qui était une façon implicite d'attaquer cette oligarchie transnationale. Mais on trouve évidemment beaucoup ce type de discours à propos de la constitution d'une eurocratie, c'est-à-dire d'un ensemble d'élites administratives européanisées, européennes, à la Commission. Alors, mon hypothèse, donc je pense qu'il faut poser les choses, c'est que les élites restent les champs du pouvoir, hein, même plus précisément, restent très largement nationaux, mais bien sûr sont en engagé dans une dynamique d'internationalisation, de transnationalisation, et surtout sont fortement hiérarchisés. Alors, dans mon livre, d'ailleurs, je me réfère à un texte qui m'avait beaucoup stimulé à l'époque où je l'avais lu, qui était un ouvrage de Michel Beau, qui parlait du système national mondial hiérarchisé, le SNMH, l'économiste Michel Beau. Il avait adopté une perspective un peu multiniveau, où il maintenait un rôle assez important du cadre national, notamment à propos des firmes. Hein, il avait une perspective qui était beaucoup moins sociologique que la mienne, mais je pense que sa perspective était assez juste sur ce plan-là. La dimension nationale reste extrêmement prégnante, quand bien même les dynamiques d'internationalisation sont évidemment extrêmement fortes. Ce qui caractérise une des caractéristiques de l'ordre néolibéral dans sa phase stabilisée, c'est la domination américaine, états-unienne plus précisément, c'est la domination anglo-saxonne plus largement, qui n'est pas qu'une domination économique, politique, mais qui est aussi, et j'y reviendrai, une domination symbolique. Ça, c'est un premier point, les grands chapeaux, sociologie des élites, description des caractéristiques des élites et des champs du pouvoir. Et je vais évidemment préciser ce que j'entends par champ du pouvoir et par élite de manière plus concrète. Vous avez déjà, je pense, entrevu ce que j'entendais par là. Deuxième domaine auquel j'essaie d'articuler cette sociologie des élites, c'est une sociologie des discours. Et en particulier, bien sûr, des discours économiques, qualifiés d'économiques, ou se qualifiant d'économiques, qui n'est pas non plus une fin en soi pour moi, même si c'est toujours intéressant de faire de l'analyse de discours et d'analyser un texte de manière approfondie en utilisant des différents outils conceptuels issus des sciences du langage, de la philosophie du langage, ou d'autres, de la sociolinguistique ou d'autres domaines. C'est évidemment à la fois très intéressant, très stimulant, et souvent ça... Très, très enrichissant, mais pour moi c'est un moyen de saisir les processus cognitifs et en particulier les phénomènes de croyance collective sans lesquels on ne peut pas penser l'ordre néolibéral et plus largement le capitalisme. L'ordre néolibéral pouvant être d'ailleurs considéré comme correspondant à une phase du capitalisme. En quelque sorte, j'utilise comme quasi-synonyme actuellement, mais je suis prudent parce que sûrement des questions là-dessus, mais ordre néolibéral et capitalisme, pas financier, parce que je pense que c'est un peu trompeur de ne dire que capitalisme financier, mais capitalisme étatico-financier. Parce que je vais y revenir, j'insiste beaucoup sur la dimension étatique du capitalisme sous sa forme financiarisée actuelle. Alors, la conception du discours que je mobilise, elle renvoie évidemment à la pragmatique, à la dimension constructrice, on pourrait dire, des discours, au discours comme acte, si vous voulez, à la théorie des actes de langage, à des choses comme cela, qui m'inspirent beaucoup, à la dimension contextuelle des discours, qui est évidemment pour moi fondamentale. Donc je ne suis pas très éloigné des perspectives qu'on étiquette en sociologie économique sous le label, là encore un label, performativité. Les travaux de Calon, Munieza, qui sont aujourd'hui beaucoup beaucoup discutés dans différentes enceintes, pas seulement en sociologie économique, hein, bien sûr, en sociologie des sciences, etc. Pour dire vite, hein, Calon, Munieza et d'autres auteurs donc, repensent le statut de la théorie économique et des sciences économiques en considérant que ce sont des univers qui créent la réalité économique et convoquent la notion de performativité pour légitimer cette idée que finalement la science économique elle-même crée le marché. The economists make markets, c'est vraiment ça leur perspective. Alors j'ai une perspective qui n'est pas tout à fait la même que la leur, ne serait-ce que parce que, comme je l'ai dit précédemment, j'accorde une place très importante aux caractéristiques sociales et biographiques des agents économiques, et que pour moi on ne peut pas penser la « performativité », je pense que le terme performativité dans ces travaux n'est pas forcément utilisé comme il faudrait, mais ça c'est une autre question. On ne peut pas penser cette performativité sans la mettre en relation avec les caractéristiques sociales des producteurs de discours. Donc ça c'est une thèse bourdieusienne classique, hein, sociolinguistique. On va détacher la compréhension de l'efficacité du discours des caractéristiques de son producteur. Alors, très concrètement, dans ma méthode de recherche, ça conduit à une attention particulière portée au lexique, et en particulier à l'économicisation du lexique public, notamment du lexique politique, mais pas seulement, une attention aux variations du lexique, donc une attention aux mots, qui va d'ailleurs me conduire à utiliser des outils lexicométriques, justement, de mesure des mots, hein. Je dirai un peu comment et comment j'envisage cette utilisation ensuite. Une attention plus structuraliste, si vous voulez, plus classique, dans une perspective structuraliste, au système d'opposition qui structure le discours, et en particulier le discours économique. À ma grande surprise, il y a finalement assez peu de travaux qui envisagent les discours économiques comme des systèmes traversés de grandes oppositions symboliques, au même titre que les mythes, au même titre que d'autres productions discursives. Or, je pense que c'est un outil extrêmement puissant, justement. Je peux faire une aparté ? Oui, bien sûr. L'économie repose sur la mise en équivalence. Donc c'est difficile d'avoir les oppositions. Les oppositions doivent être remises en équivalence. Je ne sais pas comment vous trouvez. Ben, je sais pas trop ce que vous voulez dire par mise en équivalence, quoi. Ah oui, d'accord, dans la théorie de Marx. Discours, vous allez voir, je vais vous montrer que pour moi le discours économique, au contraire, est très structuré par des oppositions, des oppositions extrêmement fortes, et en particulier dans l'ordre néolibéral. L'ordre néolibéral s'est beaucoup construit sur un système d'opposition. Donc je vais vous en donner des illustrations, je ne veux pas trop avancer là-dessus. Simplement, voilà, précisément, contrairement à une vision qui a tendance à homogénéiser, à considérer qu'on a une espèce de discours monolithique et lisse, ce qui est vrai dans une certaine mesure, il a des propriétés très particulières, le discours économique, enfin les discours économiques d'ailleurs, ça ne veut rien dire, discours économique, il y a une telle diversité. Je parlerai par exemple des discours des banquiers centraux, qui a des propriétés tout à fait particulières. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des systèmes d'opposition sous-jacents extrêmement forts, voilà, qui renvoient à un ordre symbolique très structurant, à mon avis aussi structurant que celui des mythes dans d'autres sociétés. Enfin, c'est de même nature, selon moi. Ce qui m'intéresse aussi, c'est la façon dont, mais c'est très lié évidemment, le discours économique construit des micro-mondes, des mondes, et met en scène des acteurs, des actions, des différentes entités, plus ou moins légitimes, plus ou moins centrales, et parvient à imposer ces représentations, si vous voulez utiliser le terme issu de la psychologie sociale, très largement, et du même coup parfois à éliminer toute forme de représentation alternative à ces représentations issues du discours économique. Donc ça me rapproche d'approches qui ont été développées en psychologie du langage, en sociolinguistique, qui essaie d'articuler une approche un peu cognitive et discursive, même si je ne suis pas allé extrêmement loin dans l'utilisation des outils conceptuels issus de ces approches. Je suis en train de le faire. Enfin, voilà, je pense qu'il faut creuser aussi dans ce sens-là. Alors, cette double réponse, donc, pour conclure sur cette introduction, qui est déjà très longue, elle me permet, au fond, de sortir d'un court-circuit, pour reprendre une expression qu'utilisait beaucoup Bourdieu à propos de Marx et du marxisme, une tendance au court-circuit qui consiste à dire il y a une classe dominante, il y a une idéologie dominante, et à laisser de côté la diversité prises de position internes à l'espace des classes dominantes, et donc à laisser aussi de côté la diversité des caractéristiques sociales des membres des classes dominantes. Alors ça peut vous paraître un raffinement finalement pas très qui n'apporte pas tant de choses que ça, mais vraiment, c'est, je pense, l'une des choses que peut apporter la sociologie, c'est d'essayer d'opérer ce raffinement, c'est-à-dire d'aller au-delà d'une vision trop unifiée, trop singulière, au sens grammatical, si vous voulez, de la classe dominante et de l'idéologie dominante. Mais justement, ça ne veut pas dire abandonner le programme de faire une sociologie et de la classe dominante et de l'idéologie dominante. Et au fond, c'est ça, en fait, qui me semble le plus important, c'est de rappeler qu'il s'agit bien de faire ça. Il ne s'agit pas d'abandonner un programme de recherche qui est issu de Marx, si vous voulez, dans lequel on essaie de mettre en relation, justement, l'idéologie et la classe, mais de le pluraliser, de le complexifier, en essayant donc d'articuler une double sociologie structurale, la structure de la classe dominante, des classes dominantes, que j'appelle plutôt donc champ du pouvoir. Ça correspond à ça. Chez Bourdieu, d'ailleurs, il y a eu un glissement de espace des classes dominantes à champ du pouvoir. Et donc, j'assume ce déplacement qui me paraît assez salutaire, justement, parce qu'on va vraiment mettre l'accent sur le champ, la logique structurale et la notion de pouvoir qui est relativement englobante, qui permet de rendre compte de très grand nombre de luttes ayant cours à l'intérieur des élites. Et d'autre part, la diversité des discours. Les discours, justement, ne sont pas une pensée unique, si unifiée que cela, même lorsqu'au fond, ils disent la même chose, paradoxalement. Il y a beaucoup de similitudes entre le discours d'un banquier central et un cours de microéconomie de première année, et un discours journalistique d'analyse de conjoncture. Il y a des similitudes, il y a des points communs, épistémés, enfin quelque chose qui fait que partage des éléments, et en même temps ils se présentent de manière extrêmement différente. Leur lexique évidemment est très différent, mais les modes d'argumentation sont pas non plus les mêmes, et je crois qu'il faut entrer dans la complexité des formes d'argumentation, des types de discours qui sont produits, si on veut aussi gagner en efficacité scientifique dans la compréhension des mécanismes qui se jouent, et évidemment, bien sûr aussi, mais c'est une autre question, efficacité politique, quand il s'agit de critiquer, de contester les analyses qui sont produites. Alors, donc je ne développerai pas ce que j'appelle les implications méthodologiques, j'aurais pu dire épistémologiques, mais c'était prudent. J'ai une approche qui est plutôt inductive, mais qui n'est pas une espèce d'inductivisme radical où on poserait que on commence par aller recueillir le matériau et ensuite la théorie se construit par elle-même. Rounded Base Theory, je suis un peu sceptique sur l'idée que la théorie ne serait pas déjà là présente d'une certaine manière, comme cadre très général lorsqu'on recueille des données. Mais simplement, elle s'affine et elle se construit réellement à travers l'observation, le recueil de données, l'analyse de données, et bien sûr, tout un ensemble d'observations très qualitatives que j'essaie aussi d'utiliser. Ma méthodologie n'est pas que quantitative, elle est aussi assez qualitative, notamment quand il s'agit d'analyse du discours, mais aussi lorsqu'il s'agit d'observation directe, observation ethnographique. J'ai fait beaucoup ça à propos du monde des économistes. C'est un peu plus difficile pour les banquiers centraux, malheureusement, c'est assez difficile d'assister à un comité de politique monétaire, à un conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne, j'aimerais bien, ou de la Fed. Mais ceci dit, on peut quand même faire beaucoup d'observations aujourd'hui grâce ne serait-ce qu'aux moyens technologiques. On peut assister à des colloques de chez soi, par exemple le colloque d'Éric Besson récemment, Nouveau Monde, Nouveau Capitalisme. C'est assez extraordinaire parce que tout est en ligne. Vous assistez à la communication de Madame Lagarde, de Monsieur Stiglitz, de Monsieur Pebro, etc. Enfin, toutes ces personnalités. Et il me semble, ça c'est vraiment le sociologue qui parle, qu'on voit plein de choses qu'on ne voit pas quand on se contente de lire le texte. On voit les exis corporels, les façons de se présenter, on voit les regards, enfin, tout un ensemble d'observations permettent éventuellement d'amender, de corriger les hypothèses qu'on avait. Voilà. Donc j'essaie aussi de mobiliser une approche ethnographique, à ma façon. C'est évidemment très difficile en sociologie des élites. Il y a évidemment l'exemple auquel on se réfère tous en sociologie des élites, des classes dominantes, des travaux de Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot, qui ont réussi, eux, à faire de vrais travail ethnographiques de terrain dans le monde des élites. Je dirais que c'est facile, entre guillemets, je mets plein de guillemets, mais c'est relativement facile parce qu'ils travaillent sur des familles Et ils se présentent aussi comme un couple, ils insistent beaucoup là-dessus, ça les a beaucoup aidés. Donc ils ont une espèce de droit d'entrée. C'est beaucoup plus compliqué pour un sociologue d'accéder à des arènes de politique publique dominantes, investies d'enjeux tels que le G20, la Banque centrale, etc. C'est des univers très opaques et qui opposent tout un ensemble d'obstacles sociaux à l'objectivation sociologique. Donc la méthodologie, c'est pas anecdotique, je dis pas ça simplement parce qu'il faut un point méthodologique, au moins elle est absolument fondamentale. Donc, ma présentation, il me reste une demi-heure, même pas, tiendra en trois grands points, donc je vais aller assez vite. Quelques propriétés générales du champ du pouvoir et de la production des discours économiques, parce que j'ai déjà en partie dit des choses que je voulais vous dire. Le statut que je donne à la crise, comme révélateur de quelques logiques sociales de l'ordre néolibéral et de ce que j'appelle le capitalisme étatico-financier. Et ensuite, je discuterai très très brièvement en conclusion, le point 3 n'est pas un vrai point 3, c'est une conclusion, quelques contradictions, alors que dans mon livre j'appelle cognitives, ici que j'ai appelé cognitivo-discursives, pour bien montrer que c'est à partir de discours que je les ai repérés, de l'ordre néolibéral issu de la crise. Alors, première propriété du champ du pouvoir et de la production des discours économiques. Alors, je parle évidemment du champ du pouvoir contemporain, aujourd'hui, dans le monde. Alors, moi, je n'ai pas vraiment caractérisé en termes de pays, etc. Et ça, on y reviendra sûrement dans la discussion. C'est la domination multiforme de différents types de détenteurs de légitimité économique et financière. Alors, les dirigeants d'entreprise. Évidemment, dans la tradition marxiste, ça ne va pas surprendre. D'autres acteurs me paraissent tout aussi importants et caractéristiques de l'ordre néolibéral. Les professionnels de la finance, dont une partie sont des salariés, comme les traders, salariés à très haut revenu. Je renvoie aux travaux d'Olivier Gottschaux sur les caractéristiques de ce salariat typique de la finance contemporaine. Les cadres dirigeants. Dans les dirigeants d'entreprise, vous voyez que j'assimile. Je ne fais pas la distinction que font Duménil et Lévy, les propriétaires et les managers, dirigeants d'entreprise, avec leurs fractions, ils sont eux-mêmes très différenciés. Les professionnels de la finance, donc, les banquiers centraux, qui sont pour moi un groupe spécifique un peu carrefour, à l'intersection de plusieurs espaces, dont l'espace académique, l'espace politique et le monde de la finance, en particulier de la grande banque. Un autre type d'acteur à très forte légitimité dominant dans l'ordre néolibéral, et on ne perçoit pas et ne voit pas assez souvent comme tel, me semble-t-il, et que la crise a rendu encore plus visible à ce titre, ce sont les acteurs politiques à compétence économique ou à légitimité économique, notion qui peut vous paraître un peu complexe, mais qui renvoie à la transformation des caractéristiques du personnel politique dirigeant, en particulier celui qui occupe les positions centrales dans les exécutifs, pas seulement nationaux, aussi à des niveaux régionaux, et qui fondent leur légitimité politique sur la compétence économique, ce qui souvent est associé au passage par les ministères économiques, le ministère de l'économie et des finances, la banque centrale, dans beaucoup de pays, le passage par la banque centrale est un élément clé pour asseoir sa compétence économique, la direction du budget, un cabinet lié au ministère de l'économie et des finances, plus largement les ministères économiques et les institutions de gouvernance de l'économie. Alors ces acteurs politiques à compétence économique sont, à mon sens, une fraction essentielle de l'ordre néolibéral et une de celles sur laquelle se concentrent les enjeux de la crise de cet ordre. Et ça, j'essaierai d'expliquer un tout petit peu plus pourquoi, je vais le dire très vite, mais une des caractéristiques de l'ordre néolibéral, c'est le déni des possibilités d'action du politique, qui a été particulièrement mis en scène et développé par les banquiers centraux. C'était une des stratégies constantes des dirigeants des banques centrales pour conquérir un pouvoir relatif dans le champ du pouvoir, à travers l'indépendance de la banque centrale et tout un ensemble d'autres dispositifs, modalités d'action publique, etc. Les politiques, et en particulier ceux à compétences économiques, se sont fait les porteurs dans l'espace démocratique de refoulement des possibilités d'action publique et d'action politique, essentiellement au nom de l'orthodoxie budgétaire. Alors, orthodoxie monétaire aussi, mais d'une certaine manière, à partir du moment où ils ont délégué aux banquiers centraux, ils n'ont même plus à s'en soucier, ils n'ont même plus de discours monétaire. les acteurs politiques centraux incompétents. Très peu. Parfois, ils disent que l'euro est un petit peu surévalué. Enfin, voilà, il y a des petites escarmouches autour de la politique monétaire, mais elles sont devenues assez infinitésimales. Et en revanche, ils ont un discours d'orthodoxie budgétaire extrêmement prégnant et important dans l'ordre néolibéral. Et c'est une des choses qui va entrer en crise, en particulier après 2008. Très souvent, ce sont ces acteurs-là qui sont en position de devenir des chefs d'exécutif et donc d'exercer un rôle de coordination au sein des élites du pouvoir. Bon, on peut toujours donner des contre-exemples. Un tel, c'est un pur politique qui n'est jamais passé par un ministère économique et finalement n'a pas une grande compétence économique. Alors, on disait ça par exemple de Mitterrand très longtemps. Mitterrand n'est pas un économiste, il est vraiment un culte en économie. Bon, il était quand même très entouré d'économistes et il avait sa propre doctrine économique quand même, malgré tout. Quand on relit les textes doctrinaires de Mitterrand, l'économie politique était évidemment essentielle dans un parti comme le Parti Socialiste. On ne pouvait pas faire l'impasse sur l'économie politique. C'est un peu un non-sens. Mais c'est vrai qu'il n'était pas, il n'avait pas construit sa légitimité politique par ce qui vont devenir les nouveaux titres de noblesse, le fait d'être un bon gestionnaire des deniers publics et d'être un bon économiste. Voire le meilleur économiste de France, c'est Raymond Barre. Hein, quand Raymond Barre devient Premier ministre, il est présenté par Giscard d'Estaing, qui est lui-même un économiste, inspecteur des finances, passé par le ministère de l'économie, comme le meilleur économiste de France, et puis suit toute une, rien que pour la France, hein, toute une série d'acteurs politiques centraux à compétences économiques. Le dernier, Juppé, l'exemple de Juppé, Strauss-Kahn étant évidemment un exemple particulièrement écrasant dans le contexte actuel, puisqu'il est en train d'être constitué en candidat évident à l'alternance. Cette situation donc, qui fait des acteurs politiques à compétences économiques des acteurs centraux de l'ordre néolibéral, elle me semble s'être renforcée avec la crise, en attirant l'attention de manière beaucoup plus nette sur leur rôle de coordination, et même leur rôle de coordination au niveau mondial, à travers le G20. Ce sont ces acteurs-là qui pilotent cette instance qui devient l'institution de gouvernance centrale du capitalisme mondial et de l'économie mondiale, qui est le G20. Aux côtés, bien sûr, des ministres de l'économie, qui illustre ce que je disais tout à l'heure sur les ministères économiques. Les acteurs politiques à compétences économiques sont d'abord dans les ministères économiques, bien entendu, et les gouvernants des banques centrales, bien sûr, qui sont aussi conviés dans les G20 économiques et financiers. C'est ces deux catégories qui sont présentes. Deuxième propriété générale, c'est la domination des discours et des indicateurs économiques et financiers dans l'espace public. Alors, évidemment, bon là, il y a différents moyens de l'objectiver que j'ai utilisé, au moins de manière partielle, la prégnance du lexique économique. C'est un premier moyen d'objectiver ça. Hein. Après tout, c'est pas négligeable, montrer que le lexique s'économicise lui-même. Donc les mots, pour le dire, sont de plus en plus des mots économiques, issus des sciences économiques, issus des disciplines économiques. Mais c'est aussi des types d'arguments, des chaînons argumentatifs. C'est le raisonnement coût-bénéfice et sa généralisation. C'est les algorithmes de maximisation d'un indicateur, quel qu'il soit, d'une fonction objective, comme on dit en microéconomie. Maximiser une fonction objective. Du côté des consommateurs, ça va être l'utilité. Aujourd'hui, on dit plutôt le bien-être, dans le contexte de l'économie du bonheur. On dit même le bonheur. Il s'agit de maximiser le bonheur. Et du côté de l'action publique, différentes formes d'efficacité, on va mesurer de différentes manières, en utilisant des indicateurs qui sont de plus en plus institutionnalisés. Alors justement, la situation ici de l'analyse est me semble-t-il, facilitée aujourd'hui par l'objectivation croissante des critères d'évaluation de l'action, qu'elle soit privée ou publique. C'est-à-dire, on met tout en indicateur. On fait du benchmarking systématiquement, le vocabulaire d'ailleurs se simplifie. En gros, indicateur, benchmarking, ça résume les conditions de l'action privée et publique dans beaucoup d'organisations aujourd'hui. Aujourd'hui, l'action se structure autour des best practices, meilleures performances, évaluées à l'aune des indicateurs qui ont été retenus comme les indicateurs à travers lesquels on évalue les actions menées. Il y a une généralisation de tout cela qui a été beaucoup documenté par des collègues politistes. Si vous voulez des références sur cette question-là, notamment en sociologie de la quantification, il commence à y en avoir pas mal, hein, autour de la LOLF, de la RGPP, mais aussi autour de la stratégie de Lisbonne au niveau européen, la mise en indicateur et le benchmarking, par exemple, de la politique de recherche. Isabelle Bruno a écrit un livre sur la question, mais il y a tout un ensemble de travaux en cours. Il y a d'ailleurs une ANR qui s'appelle Benchmarking qui étudie un peu ça. Donc il y a vraiment des travaux intéressants, des travaux empiriques vraiment intéressants sur ce phénomène. Ce qui est intéressant, c'est de constater que tout se passe comme si les normes d'évaluation des performances issues du monde financier, moyennant redéfinition et reconfiguration, et souvent reconfiguration assez importante qui les rend en partie méconnaissables, se seraient diffusées à l'ensemble des organisations, qu'elles soient privées ou publiques. Une des façons de montrer cela consiste par exemple à montrer à quel point les indicateurs retenus par la loi organique sur les lois de finances, la LOLF, sont financiarisés, ou en tout cas marchands, ont une dimension marchande. Donc là, il y a des travaux, par exemple, Corinne Hérault, en sociologie, a étudié les indicateurs de mesure des performances de l'enseignement supérieur, et elle montre à quel point ces indicateurs, finalement, sont homogènes à des indicateurs ayant cours dans le secteur privé marchand. Elle l'a montré en utilisant justement une lecture en termes de cité à la Boltanski. Troisième propriété, c'est l'homologie entre le champ du pouvoir et le champ des économistes, que je qualifie d'homologie structurale. Si vous n'aimez pas champ du pouvoir et champ des économistes, c'est un vocabulaire bourdieusien lourd, on va dire. On peut dire espace des élites et espace des économistes, on a le droit. Moi, je fétichise pas l'utilisation du mot champ ici, c'est pas tellement ça qui importe, même si, bon, pour Bourdieu, ça signifie d'assez précis. Ici, je pense qu'on peut traduire par espace, dans la mesure où ce qui m'intéresse, c'est bien l'homologie. Ici, c'est pas tellement la question de l'illusio partagée, etc. Même si, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une question pertinente, mais sur ce point précis, ce qui m'intéresse, c'est de montrer que les économistes, il y en a partout, en fait. C'est un groupe professionnel qui n'est pas à part, comme on se le représente parfois. Surtout quand on est universitaire, on a l'impression que c'est vraiment une tribu très à part. Ils ont leur langage, ils ont leurs habitudes, ils se reproduisent entre eux, etc. Ce qui est vrai, hein. À l'université, il y a cette dimension. Et en même temps, ça, c'est un peu écran. Ça fait un peu écran à la réalité, qui est que les économistes sont partout, en réalité, dans le champ du pouvoir. C'est-à-dire qu'ils sont connectés à toutes les fractions des élites, connectés par des liens d'interdépendance qui reposent parfois sur de l'interrelation, la relation sociale directe, hein, du capital social, si vous voulez. C'est fréquemment le cas, hein, ils sont beaucoup plus proches, y compris en termes très concrets, des décideurs. Ils sont proches de la décision, comme ils aiment à dire, l'économie au service de la décision. Proche dans l'espace géographique, enfin, on pourrait le montrer à travers ce type d'indicateurs, mais ils sont aussi spontanément ajustés aux demandes émanant de différentes fractions des élites. C'est-à-dire les économistes produisent un discours qui est beaucoup plus, en un sens, tourné vers le monde extérieur qu'ils ne l'affichent et qu'ils ne le revendiquent. Alors, ils utilisent beaucoup, et d'une certaine manière, c'est un peu ce qui m'a mis la puce à l'oreille, l'idée d'une légitimité fondée sur la lecture par les pairs et l'évaluation par les pairs, avec recours par exemple à la bibliométrie qui est aujourd'hui complètement standardisée en économie. Si on fait de l'économie, on est évalué selon une hiérarchie de publications très établie, enfin, ça dépend des comités. C'est complexe ce que je dis, mais enfin globalement c'est quand même la discipline où la bibliométrie s'est diffusée le plus nettement. En même temps, là encore, ça fait, me semble-t-il, écran à la fonction sociale objective de l'économie, même la plus technique, mathématique, formalisée et apparemment intraduisible, impossible à restituer en termes opérationnels. Dans tous les cas, ce sont des travaux qui ont une fondamentale visée politique, ou en tout cas de décision, d'aide à la décision. Mais la particularité de cette fonction, c'est qu'elle est déniée, le plus souvent, pas toujours. Un certain nombre d'entre eux, elle ne l'est pas. Certains assument complètement leur rôle de conseiller du prince, hein, mais dans beaucoup de cas, elle est déniée. même les économistes les plus reconnus selon les critères académiques, je prends l'exemple de Tirole en France, hein, c'est celui qu'on donne pour le prochain Nobel français. Il n'y en a eu qu'un jusqu'à présent, c'est Maurice Allais qui est mort. Il y a Debreu, mais Debreu était devenu américain entre temps. Il reste Tirole, peut-être d'autres, hein, d'autres candidats. Tirole, en même temps, vient la crise des subprimes. Première chose qu'il fait, il écrit un grand texte pour expliquer comment réformer le système financier. Il le fait dès la fin 2008. Un texte que vous trouverez en ligne, hein, très technique, qui renvoie à une littérature académique en arrière-plan, hein, évidemment, qui est source de légitimité sans laquelle on ne construit pas sa position dans cet univers, mais il est extrêmement réactif. Je veux dire, les sociologues à côté, moi j'ai publié mon livre en 2010, et il y en a encore qui sont en train d'enquêter sur le début de la crise des subprimes. En gros, on pourrait dire qu'il y a une autre exception, un peu surprenante, c'est le cas du travail de Jorion, finalement, qu'on a publié dans la collection Dynamique socio-économique, mais qui est une exception, on en reparlera, mais lié à un parcours très atypique de quelqu'un qui est devenu un professionnel de l'immobilier, qui est en même temps un anthropologue, quoi, qui fait un terrain et qui finalement se rend compte progressivement de ce qui est en train de se produire. Donc, il va du même coup devenir un des prophètes de la crise. Il n'y en a pas eu beaucoup, hein, et en France, il y a Jorion, qui depuis d'ailleurs écrit dans Le Monde, a un blog qui est vu par des milliers de personnes, etc. Enfin, qui est devenu vraiment, depuis la crise, une personnalité très visible dans un espace public politico-médiatique. Voilà, donc je ne développe pas simplement dans cet espace. Je voulais par exemple prendre l'exemple de l'opposition entre le CO Eurex et Code, qui est très proche du patronat, qui vient par exemple de nous expliquer que le coût du travail était nettement plus élevé en France qu'en Allemagne. Puis patatras, l'INSEE a donné les vraies statistiques et ce n'est pas le cas. Donc là, ça, c'est un des épisodes très amusants de la semaine dernière où on nous balance un truc, y compris au journal de 20h, en expliquant qu'un rapport définitif montre un écart dramatique en défaveur de la France, qui a vraiment un coût du travail trop lourd, et en fait, ce n'est pas le cas. Les statistiques officielles actuelles montrent encore un coût du travail plus bas. Donc, c'est la riposte de CO avec ses codes très intéressant a été de dire, alors c'est vrai, c'est pas dans le sens qu'on avait dit, mais l'écart se réduit. Donc toutes les ressources rhétoriques sont possibles, hein, argumentatives, pour maintenir le cas. L'OFCE, qui a été jusqu'à il n'y a pas très longtemps dirigé par Jean-Paul Fitoussi, une position assez originale, et particulièrement à partir de 2008. Très, très étonnante à partir de 2008. Position de l'OFCE. L'OFCE est marginalisé en 2007, au moment de la campagne électorale, parce que l'OFCE essaie de corriger le discours, le déluge de discours sur la fin du modèle social français et les contre-performances françaises dans tous les domaines. C'est vraiment le discours déclinologue qui triomphe, hein, ça depuis pas mal d'années, mais l'acmé de tout ça c'est 2005-2007, et 2007 c'est vraiment un moment où est réactivé le discours sur la fin du modèle social français, etc., etc. Notamment par le candidat Sarkozy, mais par d'autres, c'est repris par d'autres candidats ou assumé. L'OFCE fait un e-book qui montre que pas du tout, la France a d'assez bonnes performances selon plein d'indicateurs. Et donc si on a une vision un peu systématique des performances comparées des pays, on se rend compte que la France n'est pas dans une situation de déclin tragique. Elle maintient sa position pour beaucoup d'indicateurs, y compris l'espérance de vie, enfin, le niveau de développement humain, l'IDH, mais bien d'autres indicateurs. Elle n'a pas du tout des performances calamiteuses. L'OFCE, surtout, a un discours très hétérodoxe sur la dette publique. En 2007, des économistes de l'OFCE, Éric Heyer et d'autres, expliquent mais la dette publique, c'est constitutif de l'État moderne, en fait. La dette publique, c'est un des éléments à travers lesquels l'État se construit, historiquement. Et les épisodes de pic de dette publique ne sont pas nécessairement pathologiques. Ils correspondent évidemment à des crises, à des guerres, mais quelques années après, c'est aussi souvent des restructurations profondes de l'action sur l'économie et des modèles de capitalisme, on va dire, comme dans l'après-guerre, l'après-deuxième guerre mondiale en France. Donc on peut tout à fait traverser avec bonheur une période de très forte dette publique. Vous voyez à quel point ce discours peut paraître hétérodoxe. Alors, l'OFCE, c'est en gros les macroéconomistes de gauche, entre guillemets, en France. Mais le paradoxe, c'est que ils sont indépendants, donc le de gauche n'est pas du tout affiché et pas du tout assumé, sauf par certains d'entre eux, pour lesquels c'est pas du tout gênant de s'afficher comme économiste de gauche, d'afficher cette identité-là. Fitoussi, par exemple, ne le fait pas, et fin 2008, Fitoussi devient dès le milieu d'année 2008 d'ailleurs, assez tôt en réalité, devient un des conseillers de Sarkozy pendant la crise. Et oui. Et notamment au moment du pic d'intensité de la crise, c'est-à-dire en septembre-octobre 2008, où il plaide, comme pas mal d'autres acteurs du champ du pouvoir à ce moment-là, pour une politique de relance, pour une politique keynésienne. C'est un keynésien, hein, aussi. Alors ça, c'est, bon, c'est un élément assez intéressant, c'est de voir aussi que cette homologie, elle bouge. L'ajustement se défait en permanence. Oui. Tout aussi, dans ses fondements, c'est un théoricien des choix publics. Oui, tout à fait. C'est un théoricien néoclassique, hein. Il est néoclassique de toute façon, ça c'est clair. Ça c'est la formation. Mais en pragmatique de l'action, il sera entre une demande politique, une réponse économique, néo-keynésienne, supposition du pouvoir. Mais la théorie des choix publics le passe là, quoi. Oui. De même que Tirol, si la théorie de l'économie d'entreprise, l'économie industrielle. Mais ce que j'ai pu lire, sans être exhaustif, c'est théorie de la coordination et théorie des anticipations coordinatrices. Oui. Oui. Donc, ce qui produisent les met dans une position nodale, dans les configurations. Oui, mais ce n'est pas du tout de la même façon. Hein. Fitoussi, c'est vraiment un macroéconomiste. Hein. C'est un macroéconomiste néo-keynésien. Vraiment classique. Ouais, c'est pas un théoricien du public choice à la Buchanan du tout. Hein. On est quand même très loin de ça. Hein. C'est vraiment un néo-keynésien, je dirais, dans la tradition anglo-saxonne, j'allais dire. Parce qu'il est au fond très proche de Stiglitz. Hein. C'est pas un hasard si la jonction s'est faite aussi à l'occasion de la crise. Hein. Ils vont ensemble être parmi les acteurs publics qui vont proposer une réforme de la gouvernance mondiale, dans l'espace des propositions de réforme, la plus radicale, dans l'espace institutionnel des propositions de réforme. Ça donne ce qu'on appelle le rapport Stiglitz, pas celui sur le bien-être, hein, l'autre, qui est la pointe avancée, c'est un rapport pour l'ONU, hein, pour le secrétaire général de l'ONU, la pointe avancée des propositions réformatrices, néo-régulatrices, on pourrait dire. Tirole n'est pas du tout sur ces positions-là, il est beaucoup plus libéral. Hein. Et Tirole, c'est d'abord un économiste industriel. Donc lui, il intervient beaucoup sur les questions de marché du carbone, de qu'est-ce qu'un marché, au fond. Voilà, c'est la question de comment un marché peut être organisé pour bien fonctionner. On est vraiment dans le néolibéralisme au sens pur, j'allais dire. Le marché, c'est pas un truc qui émerge naturellement, spontanément, c'est vraiment quelque chose sur lequel la science économique a son mot à dire et doit, ça rejoint le thème de la performativité, travailler à construire le marché et à organiser le marché. Et c'est ce que fait Tirole à propos des marchés financiers, mais il le fait à propos de tous les marchés. C'est plus un expert de la réforme des marchés, moi je dirais. Avec quand même une très forte, chez Tirole, une grande méfiance par rapport aux excès de régulation et de réglementation. Il fait partie de l'aile droite, hein, de ce point de vue, c'est-à-dire pas jeter le bébé avec l'eau du bain, et attention, si on régule trop, il n'y aura plus d'innovation financière. Donc d'accord, il y a eu les subprimes, il y a eu la titrisation a conduit à des choses qui n'allaient pas, mais c'est lié essentiellement à des dispositifs techniques, quoi, mal maîtrisés, mais grosso modo, c'est pas en régulant qu'on va améliorer les choses, en tout cas en surrégulant. Il est plutôt sur cette position-là, qui rejoint évidemment une position des banques. Lui, il serait plutôt en affinité avec les positions qui auraient cours dans certaines fractions du secteur bancaire et financier. Alors, on pourrait parler de Deboissieu très longuement, enfin voilà, on pourrait prendre chaque cas biographique et essayer de le situer dans le champ du pouvoir. On verrait à chaque fois, d'abord qu'on a des gens d'origine sociale assez élevée, qui sont des familiers des élites, des autres fractions des élites dirigeantes, et qui sont surtout en connexion permanente, en contact permanent avec les différents types d'acteurs dominants, privés et publics d'ailleurs. Dans le cas de Deboissieu, c'est typique. Deboissieu fait du conseil dans les banques, mais il est aussi évidemment président du CAE, donc il est en contact permanent avec le Premier ministre et avec, l'exécutif. Quoi. Mais pas seulement, des réseaux évidemment transnationaux. Moi, j'ai eu l'occasion de le voir de loin, à Moscou, il n'y a pas très longtemps, et il arrivait, c'était à la Higher School of Economics de Moscou, et connaissait tout le monde. Il avait participé à la restructuration du secteur bancaire dans la période post-soviétique, dans une école libérale créée en gros par Yeltsin, enfin dans les années Yeltsin, après la chute de l'URSS, et bon, il était venu très très souvent pour aider les Russes à la transition dans le domaine financier. Donc ce sont des acteurs, en fait, eux aussi, dans beaucoup de cas, hein, les économistes. Et c'est un des enjeux pour eux qui ne doit pas être négligé, même si, évidemment, l'enjeu symbolique, le Nobel, la reconnaissance par les pairs, etc., sont très importants. Il ne s'agit pas de nier l'existence de ces enjeux très spécifiques au monde académique. Dernière propriété, mais je ne vais pas insister là-dessus, parce que c'est un peu une trivialité de sciences politiques de dire ça, mais on a évidemment un système multiniveau, et je peux vous donner cette impression de parler de tout et de rien, parce que je parle du G20, je parle de la situation française, etc., mais mon idée, c'est qu'évidemment, il faut articuler ces différents niveaux jusqu'au niveau de l'action publique locale. On a des espaces politico-économiques locaux dans lesquels on va retrouver un espace des élites locales, traversé à peu près par les mêmes configurations, avec un peu les mêmes structures, et où, là encore, d'ailleurs, des économistes, un type particulier d'économistes, plus locaux, régionaux, etc., vont, grosso modo, avoir la même fonction, si on reprend ici plutôt un vocabulaire fonctionnaliste, que celle des économistes à d'autres niveaux. Donc, la crise, de ce point de vue, a été un révélateur. Donc, la crise, on peut la voir de différentes façons. Ce que j'ai essayé de faire en étudier le déroulement, dans une certaine mesure, en tout cas d'un point de vue sociologique, certaines des dynamiques sociales. Je me suis concentré sur l'idée d'une dynamique de croyance. La crise, c'est avant tout une dynamique particulière de croyance, y compris dans sa dimension la plus macroéconomique, justement. Le basculement dans la récession peut être décrit comme une dynamique de croyance très particulière, une espèce d'effondrement de la confiance des chefs d'entreprise qui ne vont plus investir parce que les banques ne leur prêtent plus, parce qu'ils anticipent la chute, des ménages qui anticipent même la chute, etc. Les macroéconomistes sont dans l'incapacité de prévoir l'ampleur du retournement de conjoncture. Ils vont eux-mêmes devenir pessimistes quand ils vont se rendre compte que les chiffres sont catastrophiques. Et on a une espèce de dynamique. Bon, ce n'est pas cet aspect-là que je voulais évoquer ici, sur lequel je n'ai fait, à mon avis, qu'une ébauche de modèles historiques qui devraient être vraiment affinés, complexifiés. Mais bon, j'ai donc essayé d'y contribuer dans mon livre. Je m'intéresse plutôt donc au deuxième aspect. C'est-à-dire la crise comme révélateur de fonctionnement ordinaire de l'ordre néolibéral et du capitalisme financier. Donc, finalement, la crise nous montre des choses qu'on ne voyait pas. La crise nous fait apparaître des acteurs dont on n'imaginait pas qu'ils avaient un rôle aussi crucial, parce que souvent, le discours justement les gomme, ou les croyances collectives les gomment. Donc de ce point de vue, la crise comme crise de croyance est aussi un révélateur. Elle révèle des structures. C'est une idée classique qu'on trouve chez Bourdieu à propos de mai 68, ou Academicus. Bon, une crise qui finalement révèle un état de la structure d'un champ, d'un secteur professionnel. Alors ça, je pense que c'est une idée qu'on ne mobilise pas assez en sociologie économique et sur laquelle on devrait travailler plus et que j'ai essayé donc de développer. J'ai d'abord rappelé un élément qui me paraît important, parce que évidemment, source de multiples discussions et très centrale dans tous les débats autour de la crise, qu'ils soient savants ou moins savants, c'est la place des acteurs publics, la question de la place des acteurs publics, et en particulier à l'intérieur des élites, qui me semble trop négligée, et notamment dans la tradition d'économie historique ou d'économie hétérodoxe, marxiste, on a tendance à gommer le rôle structurant, très structurant, des acteurs publics dans l'ordre néolibéral. Et on le voit particulièrement ce rôle au moment où les institutions privées s'effondrent, parce que les banques ne se prêtent plus les unes aux autres. Qui va permettre au système de ne pas s'effondrer totalement quand la confiance est en train de se dissiper, eh bien, c'est la Banque centrale et les dirigeants des exécutifs. On voit septembre 2008, un moment pour ça extraordinaire, où on voit que finalement, les patrons dernier ressort, c'est l'expression qui est utilisée à propos de la Banque centrale, le prêteur en dernier ressort, mais c'est une expression qu'il faut quand même sur laquelle il faut réfléchir, quoi. En dernier ressort, quand tout s'effondre, il reste quoi ? Il reste quand même l'État, finalement. L'État, dans une définition qui est double, les exécutifs, les banquiers centraux. Et beaucoup des tensions de la période actuelle sont liées à cette dualité entre deux types d'acteurs publics qui sont très différents et qui se tirent dans les pattes, en particulier en ce moment, en particulier en Europe. Parce que c'est évidemment très variable selon les contextes aussi. Alors, les rapports de force entre les uns et les autres varient beaucoup. Ils ne sont pas du tout les mêmes aux États-Unis, au Japon, en Chine et en Europe. En Europe, il y a une situation, une configuration tout à fait particulière. Donc on a une économie qui est structurellement duale, et malgré 30 ans de révolution néolibérale, même dans les pays qui sont allés le plus loin dans le démantèlement des services publics, de la fonction publique, du statut de fonctionnaire, etc., en introduisant des logiques de contractualisation, etc., l'emploi public a très peu diminué, souvent parce que ce qui a été enlevé au niveau central a dû être recréé au niveau local, comme s'il y avait aussi une résistance des sociétés à un certain niveau d'emploi public. Il y a en France, on le sait bien, des très forts mouvements sociaux qui expliquent en partie que voilà, même si un gouvernement dit qu'il va réduire massivement l'emploi public, il ne le fait pas tout à fait autant qu'il le voudrait. Mais il est quand même très frappant de voir que c'est de l'ordre de 15% dans les pays de l'OCDE, l'emploi public, quand même, c'est pas du tout négligeable. L'emploi public global, là je parle plus seulement des élites, hein, qui est élargi, c'est un trait vraiment structurel des économies développées, même dans le capitalisme financiarisé. C'est pour ça que je pense qu'il faut parler de capitalisme étatico-financier. Enfin, c'est pour cette série de raisons, je pense qu'il faut intégrer, d'une manière ou d'une autre, le caractère structurant de l'État, un État néolibéral, hein, bien sûr, alors, je reviendrai sur ce qualificatif de néolibéral, qui est, à mon avis, s'applique parfaitement à la Banque centrale. La Banque centrale ne dévie pas de sa ligne néolibérale, à aucun moment, même pendant la crise. C'est moins vrai, évidemment, lorsque sont adoptées des politiques de stimulation fiscale très keynésienne. Là, on est vraiment dans quelque chose d'autre, et là, le qualificatif néolibéral doit être discuté. Voilà, donc, alors, il y a un rapport récent, c'est assez amusant, qui vient du Centre d'analyse stratégique, qui s'appelle Tableau de bord de l'emploi public, qui compare la situation de la France et d'autres pays, qui montre que, contrairement à plein d'idées reçues, la France n'est pas, bat pas tous les records, n'est pas en haut de tous les benchmarks de l'emploi public. C'est toujours les pays scandinaves qui sont devant, les pays nordiques, même plus largement, qui, comme par hasard, sont aussi ceux où on trouve le plus haut niveau de développement humain et de bien-être économique, par ailleurs. C'est étonnant, une coïncidence étonnante. Les pays anglo-saxons ne sont pas si bas que ça, c'est-à-dire que même ceux qui sont érigés en exemple de ce qu'il faut faire pour réduire l'emploi public, dans le rapport Attali par exemple, qui a été un rapport offensif en la matière, on voit que c'est finalement même un service du Premier ministre, hein, actuel en France, est amené à reconnaître les limites de cette stratégie typiquement néolibérale qui a consisté à réduire le périmètre, de manière très quantitative, de l'action publique. Donc voilà, alors j'essaie de situer cette analyse dans le cadre d'une réflexion sur la notion de circuit économique. C'est-à-dire, je pense que cette notion a été trop délaissée, qui est due en partie à Keynes et qui était présente dans la comptabilité nationale, dans tout un ensemble de travaux, en essayant, pour vous dire vite, de sociologiser cette notion de circuit économique, de circulation monétaire, et en insistant beaucoup ici sur les interdépendances entre acteurs publics et privés. Je pense qu'on est dans un système dans lequel, c'est pour ça que je tiens aussi à cette notion de capitalisme étatico-financier, même si elle est sûrement critiquable, hein, je mets en plus l'État en premier, donc on pourrait dire capitalisme financier d'État aussi. Il y a un réseau d'interdépendance structurelle entre des acteurs publics et des acteurs privés qui constitue un ordre bien particulier. Une des spécificités de l'ordre néolibéral, c'est que l'importance de l'acteur public est niée, symboliquement et discursivement, y compris dans le discours du banquier central, qui est un discours dans lequel, finalement, l'action publique se réduit à l'application de normes. Donc un discours de type juridique, si vous voulez, juridico-institutionnel. Et où tout ce qu'il faut éviter, c'est évidemment les excès de l'action politique, lié en particulier à la démocratie électorale, à la volonté de satisfaire un électorat, etc. À la démagogie. En gros, c'est l'opposition démagogie versus règles juridiques et maintien d'une constance dans l'action. Voilà. Alors, ça me conduit à évoquer un autre élément de mon travail, puis je vais m'arrêter, j'ai été trop long. qui est l'existence de structures symboliques de l'ordre néolibéral, du système d'opposition. Donc je vous les montre un tout petit peu. Alors il y a une citation ici, je n'ai pas mis l'auteur pour vous le laisser deviner, sans même nous en rendre compte. Donc c'est une citation de crise, ça date de juin 2009. Nous, responsables politiques de droite et de gauche, donc tous, nous avons laissé faire la part trop belle au capital financier, et sans doute trop écouter les leçons de ceux qui ne sont pas désignés, en même temps qu'ils se scandalisaient de l'endettement public, mettaient de gigantesques leviers d'endettement au service d'une spéculation effrénée. C'est ce que j'ai appelé l'inversion des polarités dans la crise. C'est-à-dire que l'endettement public devient presque positif, ils sont scandalisés mais ils avaient peut-être tort, et l'endettement privé devient le grand méchant, ce qui est vraiment la cause de la crise. Bon, vous avez deviné, c'est Nicolas Sarkozy, évidemment, en juin 2009 au Congrès, qui est l'un des plus radicaux dans l'inversion des polarités dans cette période. Je veux dire, on trouve pas beaucoup d'exemples aussi radicaux que ceux de Sarkozy, c'est, qui est quand même pas sans poser problème à plein de monde. Comment interpréter ça? Le fait que ce soit lui qui finalement aille le plus loin rhétoriquement dans ce jeu de bascule. François. À qui? François Hollande. Ça aurait pu être François Hollande, ça aurait pu être tout à fait du François Hollande ou du Dominique Strauss-Kahn aujourd'hui. Non, c'est Hollande aujourd'hui, pas... Oui, d'accord. Mais voilà, ça pourrait tout à fait être un discours voilà, social-démocrate, bon teint. Alors voilà, j'avais donc fait un schéma qui est ici mal restitué, qui est dans mon livre, j'ai un problème technique, mais j'essayais de reconstituer les polarités très simples finalement, qui organisent les discours très nombreux que j'ai lus. J'ai beaucoup lu la presse économique, etc. J'ai un corpus qui est énorme, d'ailleurs j'ai même pas pu... Après j'ai fait des travaux plus spécifiques sur des corpus plus limités, mais là, bon voilà, c'est un corpus global. Et c'est finalement un système de schèmes générateurs assez simple qui organise le discours néolibéral, l'opposition entre le futur... libre et le passé entravé, serfdom, le privé, le marché, le public, l'État, et tout un ensemble d'oppositions congruentes qui sont en partie, mais seulement en partie, et seulement temporairement, renversées pendant la crise. Crise qui apparaît comme une crise de l'ordre symbolique. On ne sait plus finalement, on ne sait plus ce qui est supérieur, ce qui est inférieur, enfin, voilà, ce qui est positif, ce qui est l'avenir, ce qui est le passé. Tout ça se brouille dans le contexte de crise. On en trouve la trace dans le brouillage discursif de certains acteurs, politiques centraux notamment. C'est plutôt les acteurs politiques centraux qui vont inverser les polarités. C'est beaucoup moins vrai des banquiers centraux. La seule spécificité, parce que je voulais insister sur la particularité du discours des banquiers centraux dans la crise, donc là je passe, ça va être, bon je ne vous présente pas en détail cette analyse, mais j'ai repéré dans une analyse lexicométrique les mots de la crise du côté du discours de Jean-Claude Trichet. Donc j'ai fait une analyse statistique de discours de Jean-Claude Trichet. L'un des mots qui reviennent le plus, c'est le mot turbulence. Turbulence. On est dans une phase de turbulence. On est vraiment dans une situation exceptionnelle. Et à situation exceptionnelle, il faut des réponses exceptionnelles et rapides. Voilà. Et l'inflexion du discours néolibéral de Trichet dans la crise se réduira finalement à ça. En gros, ça aurait été ça. Alors vous allez me dire, mais sur le plan pratique, il est allé quand même beaucoup plus loin que ça. Il y a eu une baisse des taux d'intérêt. Oui, mais ça, on ne sort pas du cadre de la doctrine. Dans les situations de crise, on baisse le taux d'intérêt, relance monétaire. Ça n'a rien d'opposé à la doctrine. Hein. La politique monétaire, Friedman serait d'accord, entre guillemets. Alors, il y a des débats là-dessus. Hein. Il y a des Friedmaniens orthodoxes qui disent, mais non, quand même, ils trouveraient quand même qu'on est allé un peu loin et qu'on distord le système de prix. Et les ultralibéraux contestent. Mais en gros, du côté des néolibéraux, libéraux bon teint, entre guillemets, à la Trichet, il n'y a pas de très grande inflexion. En plus, les taux d'intérêt en Europe, taux directeur, il est descendu à 1%. Il n'est pas descendu très très très bas. Oui. Turbulence, c'est pas gratuit. C'est un bouquin de Winspring, sa biographie, In the Age of Turbulence. Oui, tout à fait. Non, on retrouve un petit nombre de mots. Oui. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que Age of Turbulence n'était pas la crise de subprime dans le titre. Non, c'est toute sa carrière. C'est toute sa carrière, voilà. L'idée, c'est que le banquier central est dans un monde de désordre, et un désordre permanent, et il est une source de stabilité. Il est la boussole, pas la boussole, mais il est l'élément de stabilité. Mais c'est très structurant du discours, hein. C'est vraiment permanent, je veux dire, on retrouve ça texte après texte, c'est martelé. Et donc là, voilà, on voit apparaître des termes qui sont liés. Il y a un mot qui est intéressant aussi, c'est mesure. Il faut prendre des mesures. Il y a un vocabulaire de l'action qui ressort à ce moment-là, qui est la seule inflexion vraiment notable qu'on voit apparaître du côté des banquiers centraux. Ce qu'on ne voit pas, en tout cas que je n'ai pas vu durant la crise, c'est une remise en cause frontale des politiques de stimulation fiscale, le déficit budgétaire accru. Jamais. Ils n'ont pas fait vent debout contre ce qui est en train de se faire. Ils ne pouvaient pas. Ils n'étaient pas en mesure de lutter contre. C'est les États qui le faisaient. Mais la vengeance est venue, en tout cas en Europe, et ça donne une citation qui est la précédente, la deuxième partie, où le banquier central, de manière très feutrée, s'en prend aux politiques pour lui dire, s'agissant de la gouvernance économique, les propositions ne représentent pas le pas décisif, quantum leap, répondant entièrement aux exigences de l'union monétaire que nous avons créée. C'est une façon très banquier central de dire vous trompez, vous avez tort et on ose vous le dire aux politiques, aux chefs d'État, en l'occurrence européens, et à la Commission d'ailleurs, qui n'est pas épargnée dans l'histoire. Et on voit décliner en trois axes qui est la ligne actuelle de la Banque Centrale Européenne en la matière, qui est essentiellement punitive. C'est vraiment un discours extrêmement punitif. Il faut introduire plus de règles du point de vue budgétaire, c'est-à-dire aller beaucoup plus loin dans l'application du pacte de stabilité et de croissance. Vous voyez qu'on n'a pas, on ne peut pas dire qu'il y a eu une inflexion radicale depuis la crise. Au contraire, d'une certaine manière, la crise a radicalisé parce qu'elle a évidemment accentué les déficits et la dette dans les pays européens, les écarts entre pays. Elle a radicalisé le discours d'orthodoxie budgétaire des banquiers centraux. Voilà. Donc ça, c'était pour insister sur le rôle particulier des banquiers centraux et en insistant peut-être juste pour conclure sur un point, c'est que leur rôle est particulièrement important dans le contexte européen d'une zone euro, seule construction vraiment fédérale, en l'absence justement d'un équivalent du côté des exécutifs politiques, ce qui donne vraiment une dissymétrie en termes de force de frappe, pas seulement rhétorique, mais aussi politique. Alors, de manière assez amusante d'ailleurs, les banquiers centraux réclament aussi une gouvernance économique, mais vous voyez à quoi elle se réduit. C'est une gouvernance économique réduite au respect de normes budgétaires par les États. C'est-à-dire un système de sanctions. C'est une conception strictement punitive du gouvernement économique. Alors évidemment, il n'est pas sans intérêt de voir que certains acteurs potentiellement politiques centraux comme Strauss-Kahn parlent de grand emprunt, c'est-à-dire à nouveau remettent en avant la possibilité de l'action publique à travers l'endettement, ce qui est qui va plutôt à l'encontre mais vraiment de manière radicale du discours dominant actuel, y compris dans le champ politique allemand bien sûr, mais dans le champ politique français aussi. Il y a eu à nouveau une conversion à l'orthodoxie budgétaire. Bon, je suis allé très vite. Mon dernier point, c'était la conclusion. Les contradictions cognitivo-discursives, ou cognitives si vous voulez, de l'ordre néolibéral issu de la crise. Il me semble qu'on est dans un système aujourd'hui qui est très contradictoire et que ces contradictions, et j'aurais voulu insister là-dessus, renvoient justement à une sorte de dislocation à l'intérieur du champ du pouvoir, des champs du pouvoir, entre champs du pouvoir nationaux. Et on est vraiment dans une phase où se multiplient les contradictions. Mais donc, je reprends cette notion dialectique, la tradition marxiste, de contradiction. Mais je pense que ces contradictions, on les voit dans le discours, c'est des contradictions cognitives et discursives, et qu'elles correspondent à des luttes entre fractions à l'intérieur des classes dominantes, du champ du pouvoir, et à condition de bien définir ces fractions, c'est-à-dire d'aller jusqu'au niveau des différents types d'acteurs, y compris les acteurs publics, engagés dans ces luttes. Voilà, je m'arrête. Merci beaucoup, Frédéric. Bon, c'était une conférence vraiment très riche, avec beaucoup de choses et beaucoup de questions. Évidemment, il y aurait et il y aura peut-être beaucoup de questions. Qui veut poser la première question? J'en ai pas mal, mais je ne veux pas m'utiliser pour que qui veut poser la première question? Bon, oui, alors je vais bien commencer. Oui. Je crois qu'il y a environ 4 ou 5 questions, mais vous n'avez pas totalement approfondi, parce que vous n'avez pas eu le temps dans le cadre de l'exposé, mais vous avez simplement moins abordé ou pointé quand même, et je voudrais revenir sur quelques-unes d'entre elles. Deux pour commencer, celle sur la coordination des élites et celle sur le statut des croyances collectives. Sur la coordination des élites, bon, ça, à l'arbre est juste abordé comme une sorte de tête de chapitre, hein, vous n'êtes pas tellement développé, mais est-ce qu'on pourrait aller plus loin sur cette question de la coordination des élites, puisque au fond, si on se replaçait tout de même dans un schéma bourdieusien, ce qu'on pourrait dire au fond, c'est que c'est même dans le champ du pouvoir, et quel que soit le type de champ d'ailleurs auquel on s'adresse, mais c'est quand même là que se situent au fond à la fois les effets de concurrence et de conflit les plus frappants. Je veux dire, c'est pas tellement entre dominants et dominés, si on y a une certaine dose d'acceptation et d'amorphatie de la part des dominés, des relations de pouvoir et de l'intériorisation des formes du destin social. Et puisqu'on localise effectivement dans le champ dominant l'ensemble des conflits et des formes de concurrence, alors comment on a à la fois effectivement cet aspect de bloc, de coordination des élites sous les formes de domination, c'est-à-dire par quelle voie et par quels moyens, et comment d'un autre côté on a en même temps ce système de concurrence et ce système de conflit relativement fort, différentes fractions d'élites à l'intérieur d'un champ et même d'un champ spécifique. Je pose la question d'autant plus fortement que certains travaux, par exemple en psychologie sociale, je pense aux travaux de Lorenzi Scioldi en particulier sur les élites, montrent que justement l'une des formes d'auto-perception des élites, en fait, c'est justement de ne pas se percevoir du tout comme des formes de groupe social en fait, homogène ou quelconque. En fait, c'est surtout l'idée que le groupe social auquel ils appartiennent favorise des stratégies d'individualisation très fortes. C'est plutôt une stratégie de collection d'individus beaucoup plus que d'agrégats, c'est-à-dire le sous-titre de son livre, hein, c'est d'accord. L'identité des collections, l'identité des agrégats. Donc il montre assez clairement comment finalement dans le champ du pouvoir, on a, au point de vue des élites, ces stratégies de collection d'individus où la position sociale, l'agrégation spécifique des capitaux favorise une individualisation, une personnification extrême. Finalement. Donc comment on pense finalement ce problème de coordination, y compris dans le champ économique, quand on a affaire à avoir de très forts mécanismes d'effets de concurrence et des effets de solidarité finalement pour assurer des formes de domination. Ça, c'est la première question. Ma deuxième question, c'est sur le statut des croyances collectives. Dans le cas de ces croyances collectives, est-ce que on a des moyens pour étudier les phénomènes qui me paraissent assez importants là-dedans. D'ailleurs, je crois que vous le dites un peu dans la troisième partie de l'exposé, au fond, c'est-à-dire sur l'idée que malgré la crise, malgré la dislocation qui devrait survenir d'un certain nombre de croyances, de la théorie microéconomique, on a pourtant une formidable capacité de résistance finalement. Donc à quelles conditions, ce sera ça la question, à quelles conditions on peut étudier les facteurs qui confortent les formes de résistance de ces croyances et qui leur donnent un indice finalement de viscosité qui font que ça ne se dissipe pas comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un effet, ce qu'on appellerait, enfin certains dans le, je pense à ce que disent à la fois un économiste, un philosophe, Geoff Brennan et Philippe Petit, dans l'économie de l'estime, où ils expliquent comment il y a des effets de laurier, c'est-à-dire que quand on parvient à des croyances dominantes, souvent, une fois qu'elles sont agrégées, qu'elles sont consolidées, c'est très difficile ensuite de les détruire, parce qu'elles ont des formes de protection assez solides. Et donc, comment est-ce qu'on peut penser ce phénomène de protection dans le monde de l'économie, de croyances qui résistent malgré tout à ces types de démentis? Voilà, ça c'est mes deux premières questions, mais il y en a d'autres. Je commence par les deux premières, c'est ça? Alors sur la première, c'est une question qui me semble particulièrement d'actualité avec les travaux des Pinsons, qui eux, au contraire, présentent la grande bourgeoisie comme une classe en soi et pour soi, qui a tout un ensemble de mécanismes de reproduction à travers les clubs, les mariages, etc., des stratégies visant à maintenir l'unité du groupe, et en plus une classe subjective, c'est-à-dire qui a le sens de ses intérêts de classe et qui est capable de les mobiliser dans les arènes publiques, face à des interlocuteurs, etc. Donc c'est un peu à l'opposé hein, de cette idée qu'on pousse à l'individualisation. Oui, mais pas tant que ça, et dont le caractère collectif est d'après eux assez important. Alors ils parlent quand même beaucoup de la grande bourgeoisie et des stratégies familiales. Moi je suis beaucoup plus centré sur les organisations, les grandes organisations bureaucratiques et la gouvernance de l'ordre économique, quoi. Ce qui n'est pas tout à fait le même enjeu. Il s'agit vraiment de la prise de décision dans l'ordre économique. Alors, dans la tradition des travaux de Bourdieu, il y a eu pas mal de choses sur cette question, notamment fait par Bourdieu et Boltanski, au moment d'un texte qui a été réédité d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle « La production de l'idéologie dominante », qui est un peu une sorte de référence, un arrière-plan de ce que font les gens qui travaillent un peu dans cette mouvance sur ces questions d'élite. À l'époque, donc c'est un texte qui date des années 70 et les données des années 60-70, la référence en la matière, c'était le commissariat général du plan. Ça. Il y avait une instance institutionnalisée en France qui assurait la coordination entre les différentes fractions des élites, y compris les dirigeants syndicaux, disons les élites syndicales, qu'il ne faut pas exclure du champ du pouvoir, qui sont évidemment dans l'ordre néolibéral du côté négatif et archi-dominé, mais qui sont quand même présents. Alors, le point, c'est qu'en France, par exemple, cette instance centrale de coordination a disparu. Ça s'est désinstitutionnalisé, en quelque sorte. Donc là, est-ce que des choses existent qui ressembleraient à ça? Par quel mécanisme on parvient quand même à de la coordination? Alors moi, j'aurais deux réponses. Il y a une première réponse qui est liée aux travaux que fait Denord actuellement avec des collègues, un petit groupe de collègues du Centre de sociologie européenne. C'est des institutions moins formelles, mais tout aussi importantes, comme le siècle, par exemple, qui est pour lui le cœur, le noyau de l'élite aujourd'hui, de l'élite du pouvoir en France, le siècle. C'est un club qui fait des dîners. Ça fonctionne par dîner, et c'est pas du tout comme au commissariat du plan, c'était très sérieux. C'était des réunions avec la création d'un langage commun, c'était technique, on faisait de la comptabilité nationale, etc. Là, c'est pas du tout ça. On se réunit autour d'un bon repas, très bon, un cadre idyllique, etc. Mais entre différentes fractions des élites, on échange sur les questions d'actualité et on articule les intérêts et éventuellement on surmonte des contradictions le cas échéant, parce que du coup, l'une des modalités de dépassement des contradictions, c'est la négociation. C'est la négociation, traditionnellement. La négociation, ça existe évidemment entre le patronat et les organisations syndicales, mais ça existe aussi à l'intérieur des élites sous des formes plus ou moins institutionnelles. Donc, voilà, il y a des formes de négociation formelles, des CGP, commissariat du plan, et des formes moins formelles, comme le siècle. Alors, ma deuxième réponse, c'est justement, la Banque centrale, typiquement, et les exécutifs centraux ont des fonctions de coordination. Et le problème probablement d'aujourd'hui, de la gouvernance de l'économie, c'est l'insuffisance de la coordination des acteurs publics, justement. En Europe, c'est évident, je l'ai évoqué tout à l'heure, l'absence d'exécutif à la hauteur de la coordination centrale de la politique monétaire. La politique monétaire, elle est très coordonnée. Je veux dire, le conseil des gouverneurs de la Banque centrale, c'est peu de gens. Actuellement, ils sont 17 plus 6, 23 personnes qui décident de la politique monétaire de la zone euro, quand même. Donc, à très peu de monde, on coordonne facilement une politique monétaire. C'est quand même pas rien, c'est la valeur de la monnaie. La valeur interne et externe de la monnaie. C'est pas tout à fait rien dans une société, dans une économie. Typiquement, au niveau international, aujourd'hui, il y a un déficit de coordination. Et justement, je pense que le G20 court après la reconstitution d'une forme de coordination qui a disparu. Et un des aspects de l'ordre néolibéral, c'était justement l'absence d'une coordination, c'est un des aspects parmi d'autres, mais monétaire internationale. L'ordre keynésien de l'après-guerre, c'est le système monétaire international, c'est les institutions de Bretton Woods qui ont des fonctions régulatrices extrêmement claires en matière de taux de change. Ça a disparu dans les années 70. On a un système beaucoup plus anomique. Et donc voilà, ma réponse serait... Vous voyez qu'il y a aussi un aspect multiniveau, c'est-à-dire le problème c'est la coordination à quel niveau? Au niveau national, au niveau local ou au niveau international? Je pense qu'aujourd'hui, on a vu avec la crise à quel point il y avait un enjeu, un problème de coordination au niveau international, au niveau mondial. Voilà, ça c'était pour la première... Donc, sur l'idée qu'on pousse à des stratégies d'individualisation, oui, bien sûr, c'est-à-dire que tous les dispositifs dans les organisations, mais dans une certaine mesure aussi dans les familles, poussent aussi à l'individualisation des performances, etc., bien sûr. Mais ce n'est pas forcément à opposer justement à l'idée d'intégration collective du champ du pouvoir ou du groupe social. Bon, voilà, c'est une esquisse de réponse. Sur le statut des croyances collectives, alors oui, je pense que c'est une des questions qui à la fois me fascine et m'effraie, parce que c'est très difficile d'y répondre. C'est vraiment... on aimerait bien avoir une espèce de modèle, une méthode qui nous permettrait justement d'évaluer la capacité de résistance. Moi, rétrospectivement, je dois dire, dans le contexte quand même d'un effondrement du système financier international, je suis extrêmement impressionné par la capacité d'ajustement souple de la Banque centrale, en particulier la BCE, qui a vraiment pratiquement pas bougé de doctrine, tout en agissant d'une manière non conventionnelle, comme on dit, c'est comme dans le domaine militaire, en assumant, on fait des choses non conventionnelles parce qu'on est vraiment encore dans les turbulences d'une situation exceptionnelle, quoi. En gros, l'essentiel est maintenu. C'est-à-dire, l'essentiel, c'est, pour moi, le discours des réformes structurelles, des trois marchés, la libéralisation, qui est l'horizon de la compétitivité européenne. Ça n'a pas changé. Pour que l'Europe devienne plus compétitive, il faut qu'elle réforme complètement son marché du travail, qui reste insuffisamment flexible, etc., etc. Qu'elle réduit ses coûts relatifs, pas d'augmentation des salaires. On a entendu M. Trichet il y a 15 jours le dire, hein, la dernière bêtise à faire, a-t-il dit. Bon, voilà, on a un discours qui s'est maintenu, mais avec une force. On a vu par contre que les acteurs politiques, les exécutifs, Sarkozy notamment, qui était pourtant quelqu'un qu'on créditait d'une forme de dogmatisme, enfin qu'à gauche en tout cas, souvent, ses opposants créditaient d'une forme de dogmatisme libéral, il est beaucoup plus souple, quoi. Alors ça ne veut pas dire qu'il abandonne ses croyances fondamentales, mais en même temps, il est amené à faire en permanence des pirouettes étonnantes. Enfin, la plus extrême, que je n'ai pas commenté, mais c'est le PIB, quoi, c'est la croissance. Comme on dit un rapport pour la libération de la croissance française, il dit qu'il faut aller chercher la croissance avec les dents, un an après, il commande un rapport pour définir de nouveaux critères de mesure des performances économiques qui vont conduire à rejeter le PIB comme indicateur de mesure des performances économiques. La croissance, c'est la croissance du PIB. Quand on parle de la croissance, c'est celle du PIB. On est dans une espèce de contradiction totale. Donc là, on a aussi une vision de la faiblesse de l'armature de croyance, justement, du côté des acteurs politiques. Je pense que les acteurs politiques, alors ça fait un peu leur force, c'est-à-dire ils sont très pragmatiques, s'ajustent, etc. Et en même temps, ça fait beaucoup leur faiblesse par rapport aux banquiers centraux de ne pas avoir cette doctrine, en tout cas aux banquiers centraux européens. Les choses sont très différentes dans le contexte américain, dans le contexte chinois. Chinois, c'est pas du tout transposé ce que je viens de dire, mais en tout cas, en Europe, ça paraît particulièrement flagrant. Comme s'ils avaient été dépossédés de toute doctrine économique autonome, comme s'ils n'étaient pas capables d'en avoir, finalement. C'est une des grandes différences avec ce qui se passe aux États-Unis, où il y a une tradition, finalement, d'économie néo-keynésienne, on va dire, qui est néoclassique, qui est reconnue selon les critères académiques, etc., c'est des Nobel, etc., mais qui, sur le plan des politiques économiques, est ouvertement beaucoup plus critique et est allée beaucoup plus loin, surtout dans le contexte de l'arrivée d'Obama, ce qui n'est pas un contexte politique anodin. Donc là, moi, je pense plutôt, en termes de référence, j'étais plutôt parti sur Kuhn, sur les paradigmes, et comment un paradigme se... Parce que finalement, c'est simple, et ça marche assez bien, me semble-t-il. Alors en même temps, il faut reconnaître que l'utilisation qui est faite de la notion de paradigme, dans beaucoup de travaux de sciences politiques, qui parlent du paradigme keynésien, du paradigme néolibéral, est un peu mécaniste et un peu simpliste. Et on est un peu loin des processus de construction et de déconstruction des croyances. Mais moi, j'irais plutôt du côté, disons, justement de l'épistémologie ou de la sociologie des sciences et de Kuhn, relu par d'autres auteurs en sociologie des sciences. Il y a eu pas mal de travaux, par exemple, sur l'attachement aux théories. Le fait de préserver coûte que coûte, même quand toutes les observations sont contradictoires, une théorie. Parce qu'on a des intérêts à une théorie. Il y a une forme d'intérêt à une théorie. Sa carrière est liée à une théorie. Enfin, dans le monde académique, on a mis ses billes dans un truc, puis finalement, ça s'effondre. Voilà, qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Qu'est-ce qu'on fait quand le truc semble... On pense au marxisme-léninisme dans certains contextes, on pense... Voilà, qu'est-ce qu'on fait quand tout ça s'effondre ? Comment on arrive à quand même maintenir quelque chose d'une continuité, d'une constance, alors même que les croyances semblent valider, quoi, de manière beaucoup plus... En gros, ça signifie qu'il y a un effet de solidification académique. On n'a pas pu faire de la microéconomie pendant 30 ans et servir de l'agent maximisateur à tout vaisseau, c'est devoir se renier tout à coup... Pas se renier totalement, je pense. Bah, effectivement, il va y avoir un effet de résistance, de viscosité, à ne pas pouvoir remettre en cause totalement le... Quitte à faire des adaptations, d'ailleurs. Dans ce voilà, on fait des adaptations. Des adaptations à la marge, en fait. Et voilà, et la question, c'est est-ce qu'elles sont seulement à la marge ou est-ce qu'elles remettent en cause le noyau ? Là, l'exemple du PIB, c'est un bon exemple, à mon avis, parce que là, on a un truc qui, potentiellement, remet en cause un peu tout, y compris la comptabilité nationale, si on doit aller chercher d'autres agrégats, le revenu net des ménages, etc. Il n'y a plus rien. J'ai été confronté à des administrateurs de l'INSEE, des inspecteurs de l'INSEE, des statisticiens qui... Il ne s'agit pas d'abandonner le PIB, enfin voilà, c'est une espèce de panique, quoi. Non, non, on garde le PIB, bien sûr, on continue de le mesurer, et puis évidemment, on continue de l'annoncer, etc. Et puis finalement, on continue de n'utiliser que le PIB. C'est-à-dire que c'est une stratégie qui est quand même assez efficace. On dit, mais non, on le garde quand même. Et il s'agit évidemment, à la fin, pas de l'abandonner. Et une autre riposte assez amusante, dont je voulais parler un petit peu, parce que c'est un exemple qui me paraît symptomatique de ces enjeux de croyance. Le rapport Stiglitz, donc, non seulement dit qu'il faut mesurer autrement les agrégats de comptabilité nationale pour évaluer la performance économique et utiliser d'autres mesures que le PIB, d'une part, il dit aussi qu'il faut des indicateurs de qualité de la vie, multidimensionnels, il faut mesurer les inégalités sociales, de santé, éducatives, etc., etc. Il va assez loin. Troisième point, il dit qu'il faut mesurer la soutenabilité, c'est... évidemment la biodiversité, l'empreinte écologique, un certain nombre d'indicateurs qui sont proposés. Sarkozy et Merkel demandent au Conseil d'analyse économique et à son équivalent allemand de faire un rapport donnant 25 indicateurs pour les politiques publiques de l'avenir, en France et en Allemagne. Les deux organismes rendent un rapport en décembre 2010, très inspiré par le rapport Stiglitz, Sen-Fitoussi, reprenant les propositions de Stiglitz-Sen-Fitoussi pour la mesure de la performance économique, mais ajoutant le PIB quand même. On remet le PIB. Donc on remet le PIB dans le jeu. Premier élément. Deuxième élément, ils choisissent seulement 6 ou 7 indicateurs assez arbitraires, pas inintéressants, mais de qualité de la vie. Donc il y a par exemple un indicateur issu d'une enquête d'opinion sur la confiance dans les institutions, mesurée par la Banque mondiale, bon, des choses comme ça. C'est pas les meilleurs choix qui ont été faits. Et surtout, le troisième élément, ça c'est symptomatique, la soutenabilité, c'est léguer aux générations futures un stock de richesses qui n'aura pas été amoindri par le mode de développement qu'on aura retenu. Si on veut faire augmenter le bien-être aujourd'hui, il ne faut pas que ce soit au prix du bien-être futur. Il faut donc mesurer les stocks, etc. Et qu'est-ce qu'on va inclure dans la soutenabilité? La dette publique, le déficit budgétaire, c'est-à-dire les critères de Maastricht, c'est-à-dire les critères des politiques budgétaires orthodoxes, qui deviennent des indicateurs de soutenabilité. Donc c'est une espèce de coup symbolique extraordinaire qui fait que finalement, dans la lignée du rapport Stiglitz, ben finalement on a relégitimé un peu plus les critères des politiques économiques dominantes. Avec d'autres critères bien sûr, donc ça donne quelque chose d'hybride. Ça donne un truc qu'on ne sait pas très bien ce que c'est finalement. Et il y a beaucoup plus d'indicateurs pour la soutenabilité parce qu'ils ont voulu tout mettre. Alors ce que j'ai cru comprendre d'après les entretiens, c'est que ce sont les Allemands qui ont poussé à ce qu'on mette le déficit budgétaire, qu'on remette ces normes qui pour eux sont les... pas tous les Allemands, hein, bien sûr, mais en tout cas les économistes, les interlocuteurs actuels du gouvernement fédéral allemand, les instruments de mesure des bonnes, des politiques économiques saines, comme on dit. Saines pour l'avenir. Il ne faut pas faire trop de déficit, il ne faut pas faire trop de dette publique parce que les enfants vont en pâtir. Alors j'ajouterai deux autres questions qui sont un peu dans la lignée des deux premières en fait. La première serait autour des effets performatifs de l'économie. Donc là, ce que vous montrez bien, c'est l'effet performatif du discours économique effectivement sur le marché, mais est-ce qu'on a les moyens d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire d'examiner les conditions sous lesquelles le discours économique, mais je ne sais pas si c'est vrai pour le coup, mais le discours économique réussit à produire en partie ce qu'il décrit quand il essaie de s'étendre au-delà du champ économique au sens strict pour vraiment proposer une théorie de l'agent économique maximisateur, mais après dans tous les domaines. Est-ce que là, on mesure un effet possible sur les comportements sociaux qui pourraient provenir effectivement de l'intériorisation de ces... est-ce que par exemple, je dis n'importe quoi, mais est-ce que par exemple le traité de Gary Becker sur la famille par exemple a des effets sur les acteurs familiaux, sur les stratégies des acteurs familiaux qui se comporteraient conformément au test de Becker? C'est un exemple, mais il y en a mille autres. On va prendre les cas sur la constitution des groupes sociaux à partir des théories de choix rationnel. Est-ce qu'on a effectivement théorie du capital humain pour le choix éducatif, choix d'orientation? Est-ce que ça, au-delà du champ économique stricto sensu, est-ce qu'on peut mesurer des effets possibles effectivement? Alors j'ai cru comprendre en lisant certains papiers que oui, il y avait des effets mesurables de ce genre de choses, c'est-à-dire que ça devient effectivement un discours public, semi-public ou public, et qu'on finit effectivement par l'intérioriser en termes de stratégie mise en œuvre et que on l'applique. Donc là c'est le premier point, est-ce qu'on peut aller dans ce sens? Et deuxième question, c'est est-ce que finalement dans le cadre de la résistance aux croyances, de la critique aussi des croyances économiques, il n'y a pas aussi tout un discours un peu dissident en économie qui est en train de naître un peu aux marges et qui commence à s'attaquer un peu à la racine finalement, du discours économique? Alors je pense en tuer quelques exemples, je pense à des discours qui mettent en avant par exemple comme fait Lordon par exemple, comme fait Elster d'ailleurs, c'est pas tout à même approche, mais enfin ça peut converger un peu sur le problème de l'irrationalité des comportements par exemple, ou la présence des émotions dans les comportements, dans les décisions par exemple. Est-ce que ça peut être le cas comme le fait l'école des conventions, par de mettre en avant le statut de l'identité dans la prise de décision économique, qui montre qu'au fond on peut très bien surmonter le dilemme du prisonnier dans ces cas-là? Est-ce que ces discours-là ont un peu d'effet sur le mainstream économique, ou est-ce que c'est vraiment tellement marginal que ça produit rien et que ça pratiquement se sent... Alors sur la première question, j'aurais tendance à dire oui, on peut identifier des effets. Alors c'est vrai, évidemment, c'est difficile, ça suppose des enquêtes aussi. Et il n'y en a pas tant que ça. Vous aurez un degré de rationalité des choix scolaires, par exemple. Dans quelle mesure ils visent à maximiser une fonction objective, on pourrait les approcher par ça. En revanche, ce sur quoi portent pas mal de travaux d'ores et déjà, c'est sur le fait qu'un certain nombre de dispositifs de politique publique qui sont liés à des réseaux de politique publique mettent en œuvre ces appareils théoriques pour introduire des dispositifs visant à rationaliser. L'un des exemples qui est plus évident pour nous, c'est la transformation par exemple, des modalités de rémunération de l'activité de recherche en fonction de la publication, qui est une façon de conformer le monde social dans lequel nous sommes à la théorie néoclassique. On va être rémunéré à la productivité marginale, quoi, à terme, puisqu'on pourra avoir des index scientométriques, et c'est déjà mis en œuvre, hein, plein d'institutions économiques en particulier. J'ai évoqué Higher School of Economics à Moscou, le Haut Collège d'économie, eux ils font ça, et ils s'en vantent, hein, ils disent, quelqu'un qui publie dans une revue anglo-saxonne catégorie A, bah, il gagne 1000 roubles, plus que ça, 1000 dollars, même plus, pour lui, voilà, il a une incitation, donc c'est des systèmes d'incitation, on pourrait dire, et je pense dans un univers comme celui de la recherche, dans l'univers hospitalier, il y a des choses assez similaires. Toutes les formes de rémunération individualisée à la performance me semblent des dispositifs qui visent justement à se rapprocher du modèle, alors du côté de la production. C'est vrai que du côté de la consommation, là ça colle moins, ça colle beaucoup moins. L'école économique de Paris, par exemple, ils auraient tendance à faire des... Ils font ça, l'école économique de Paris, ils font ça. Alors je ne sais pas exactement, je ne peux pas vous décrire concrètement leur dispositif, mais ça faisait partie des choses qui allaient être innovantes dans l'école économique de Paris, c'était justement de rémunérer en partie à la productivité, d'avoir un système d'incitation plus direct, quoi. C'est à la fois très conscient, très... Alors évidemment, il n'est pas étonnant que ce soit d'abord les économistes qui portent ça, ils sont même porteurs de cette théorie, donc il y a une espèce de circularité aussi. Le monde dans lequel il est ressemble au monde qu'il projette, quoi. C'est assez amusant. Ça m'a toujours frappé. À ceci près qu'ils ont un sens de l'organisation collective et de l'action collective extrêmement développé, ce que certaines théories vraiment très individualistes semblent contredire. Mais ça m'a aussi toujours beaucoup frappé. C'est-à-dire, par rapport aux sociologues qui, au contraire, prônent le collectif, qui sont incapables de s'organiser, qui ont des organisations associatives, en tout cas en France, extrêmement faibles, peu structurés, peu institutionnalisés. Les économistes ont des machines de guerre avec des financements privés-publics, hein, évidemment, parce qu'ils savent aller chercher les financements, qui sont incomparables en force de frappe. Hein. Vous avez qu'à regarder leur site web, vous aurez tout de suite une idée de ça. Allez sur le site de l'École économique Toulouse, par exemple, pour voir à quel point un petit laboratoire, au départ, devient une énorme machine de guerre. Idéologique, on peut le dire, parce qu'ils ont quand même aussi ce rôle-là, quoi. Même si bon, ils font aussi des travaux empiriques, scientifiques, qui ne sont pas inintéressants, je ne me situe pas que sur ce plan-là. Sur la question de la critique actuelle, je ne sais pas si elle est actuelle, je pense que ça fait pas mal de temps en fait qu'on a l'impression que la théorie économique standard est mangée. Alors évidemment par la périphérie, ça c'est sûr, l'école des conventions, des travaux hétérodoxes, bon, ceux de Lordon, mais aussi ceux de la sociologie économique dans une certaine mesure, qui aussi, d'ailleurs il y a des alliances, hein, aussi bien Boyer que les conventions sont très présentes dans le traité de sociologie économique, donc la sociologie économique est un des lieux de ces convergences, ça c'est clair. Elster, voilà un certain nombre de philosophes de l'action, théoriciens de l'action, sociologues de l'action, peut-être plus, probablement plus sensible et un enjeu peut-être plus crucial à terme, c'est finalement, et ça peut vous surprendre, mais c'est autour de la neuroéconomie, des prolongements de l'économie expérimentale, que beaucoup de choses sont en train, semble-t-il, de se fissurer dans le modèle. Parce que là, c'est difficile d'objecter à quelqu'un qui fait des IRM, etc., que c'est pas un scientifique, c'est un idéologue, etc. Donc là, il y a un jeu qui se joue autour d'en remontrer dans la scientificité. Et donc une partie, toute la neuroéconomie n'est pas dans cette logique-là. Une partie de la neuroéconomie est très proche de la théorie des jeux et maintient le cadre de la théorie de l'action rationnelle, un peu amendée, etc. Mais il y a pas mal d'observations qui semblent pas congruentes avec des données de base du modèle. sur les comportements maximisateurs du consommateur, etc. Et là, là on peut voir le début d'un ébranlement possible, sauf que pour l'instant, la neuroéconomie en économie, c'est presque rien. Hein. C'est quasi inexistant, ça se développe plutôt à l'extérieur. Il y a un cas assez amusant, il y a un collègue sociologue des sciences canadien qui m'a envoyé un papier il n'y a pas très longtemps sur l'écophysique. Un courant de physiciens qui s'est mis à faire de l'économie et qui a construit une théorie de l'économie très formalisée, fondée sur des modèles de physique. Eux, ils ont été rejetés par le mainstream complètement. C'est-à-dire que, alors que ce sont des physiciens, donc ils ont un bagage, un capital mathématique incontestable et en plus expérimental, donc ils sont capables d'en remontrer aux économistes sur ce plan-là. Et bien pour autant, ces avancées-là n'ont pas été intégrées au mainstream. Ils ont été refoulés des grandes revues. Donc en fait, ils ont publié dans des revues de physique, de l'économie. C'est quand même assez paradoxal. Et qui montre bien quand même la force du mainstream. Force du mainstream. Malgré... Bon, l'hétérodoxie, elle est quasiment condamnée d'avance. C'est-à-dire que, je pense qu'ils ne sont même pas écoutés. Enfin, c'est, alors, peut-être qu'avec la virulence des conflits autour des politiques économiques, d'autres fissures vont apparaître. Je pense que quand on voit qu'un Jeffrey Sachs, qui était un de ceux qu'on fait là, avec de Boissieu justement, lui il était du côté des Américains, il y avait les Américains, les Européens, donc, la transition en Russie, Jeff Sachs aujourd'hui, moi j'ai entendu son exposé au colloque Nouveau Monde, Nouveau Capitalisme, organisé par Eric Besson, Jeff Sachs fait un exposé radical, au sens radical américain, c'est-à-dire d'économie très critique. Il explique que par exemple la politique environnementale américaine, elle est faite par le lobby pétrolier. Des choses comme ça. Alors, avec un arrière-plan théorique qui reste plutôt néoclassique, mais en même temps des conclusions d'une radicalité sociopolitique qui font que, voilà, on peut se demander si ces gens-là ne vont pas se rapprocher d'une conception. Parce qu'un des aspects quand même qui sont ressortis dans la crise, c'était de dire, mais cette économie est quand même coupée du réel, il faudrait quand même qu'elle se ressource dans les sciences sociales, qu'elle recrée le lien avec les autres disciplines, l'anthropologie, l'histoire, la sociologie, la science politique, etc. Tout ça, c'est... que sur le mode de la colonisation. Voilà, voilà. Et c'est revenu en force, y compris sous la plume d'auteurs plutôt néoclassiques, mais critiques. Voilà, donc il y a des gens qui sont un peu dans l'entre-deux. Il y a des gens qui sont un peu schizophrènes aussi, hein, qui vont dans des commissions de sélection dire mais cette personne n'a jamais publié dans une revue de catégorie A, elle est nulle, et en même temps être d'accord avec elle sur le plan des politiques économiques et signer les appels d'économistes atterrés ou autres. Enfin, voilà, on a des situations comme ça. Non, c'est assez intéressant, ça crée des... Je pense que la crise de croyance du point de vue des politiques économiques de l'ordre néolibéral a aussi des effets sur le paradigme théorique enseigné, etc. Ceci dit, bon, voilà, en même temps, la réforme de l'enseignement secondaire de l'économie aujourd'hui va plutôt dans le sens d'un renforcement de la microéconomie. Hein, donc, on est vraiment dans une période de contraste. Hein. On a un Sarkozy qui dit qu'il faut mettre le rapport Stiglitz-Sen-Fitoussi au programme de toutes les écoles d'application de la fonction publique. C'est étonnant. Dans sa préface, il fait la préface du rapport Stiglitz-Sen-Fitoussi. Et il dit qu'il faut mettre ce livre, ce rapport, au programme obligatoire des écoles d'application. Et en même temps, le même gouvernement explique qu'il ne faut plus faire de sciences économiques et sociales, que la sociologie, c'est pas bien, et que finalement, ce qui est important, c'est l'entreprise envisagée du point de vue de la performance. Une question porte un peu là-dessus, sur les rapports publics-privés, est-ce qu'ils sont de l'ordre de l'opposition, comme vous le soutenez? Ah non, juste... Toujours de la collusion. Parce que, bon, il y a l'exemple Sarkozy, il va se référer autant avec ses codes que le bureau d'études du patronat, du MEDEF, et à trois tiers d'entreprise, ou d'une étape. Il peut se référer à Fitoussi, faut les choix publics, une relance d'investissement. Il y a une collusion, mais c'est surtout la conjoncture économico-politique qui est des banques s'effondrent, les États les renflouent avec le budget public. Et après, au nom de la rigueur monétariste, les citoyens vont enflouer dans les années à venir. Donc il y a un jeu public-privé très fort qui s'est fait, et on est dans cette séquence-là, pas uniquement au niveau théorique, mais au niveau politico-économique. Les références sont mélangées, on a la séquence du discours que vous avez donné. Quoi. On ne sait plus qui est responsable, l'initiateur. Et donc vous proposez une solution pour en sortir, remarquez les oppositions, mais à ce moment-là... Est-ce que c'est faire? Est-ce que c'est consistant? Parce qu'on peut réaffirmer le public structure la société, les statuts sociaux, donc le budget public, le bien public, le commerce. Mais il faut remettre le marché à flot, le fonctionnement national, le marché flexible, le fonctionnement européen, le fonctionnement interbancaire, etc. Donc on est, en tant que sujet ou connaissant ou en tant qu'acteur public, on est sur les deux registres en même temps. Donc on ne sait plus des marchés publics et privés, et on est pris dans des équations de négociation et de collusion très très fortes. On peut les montrer chez les politiques de droite et gauche. À mon avis, la campagne électorale va s'inciter un peu là, parce qu'il n'y a pas de marché. Mais je pense que le citoyen aussi va se faire. Donc, je ne sais pas comment en sortir. Je ne suis pas plus précis. Par exemple, Tirol défend la théorie du marché, c'est la coordination de l'information, après les prix, les probabilités. Il faut anticiper sur les dysfonctionnements de coordination. Mais en ce sens-là, il va le défendre, faudrait-elle de la confiance entre les banques, c'est le rôle de l'État et du renflouement. Mais quand l'État a trop renfloué, il va perturber les signaux d'information du marché, donc les personnes se remettent dehors. Donc ça c'est Tirol, mais Fitoussi c'est la même chose, il peut défendre la cohésion compétitive de la France et puis faire le conseil de Sarkozy. Donc tout le monde est pris dans la seringue. Je ne vois pas comment en sortir un tel événement. On peut faire la question paradigmatique, mais elle ne marche pas. Une deuxième question, mais je pense qu'elle est connexe sans être totalement claire. Moi, j'avais lu un texte de Bourdieu à la fin, dans un texte, je pense, c'est le manifeste européen, il y a plein de mots sur l'européen, et il faisait une caractérisation du capitalisme global en disant le capitalisme, c'est l'idéologie, au sens de Marx, la marchandise, le profit, la profitabilité, donc ce discours qu'on nous sert pour justifier son fonctionnement. Et la globalisation, c'est l'utopie de ce capitaliste qui cherche de nouveaux marchés, une extension des marchés et des réseaux. Et parallèlement, il y avait l'ouvrage Méditation pascalienne qui est une dialectique, donc c'est une dialectique de l'utopie et de l'idéologie, c'est le cœur de l'âme, intellectualisme sur le capitalisme. Et parallèlement, il y avait une médiation pascalienne, nous sommes dans, nous, sujet connaissant, dans une dialectique de l'anticipation, plus ou moins bien informée, erronée, et de l'intérêt. Là, c'est parti de l'habitus, on parlait comme du conatus. Donc ça, c'était l'appareil de Bourdieu, que vous ne suivez pas trop, parce que, pas forcément par des acteurs, mais parce que vous avez une position linguistique et de dire, voilà la réelle politique des élites entre le marché européen et l'international. Je ne vais pas forcément les connecter, mais ces deux questions, quoi. Mmh. Où en sont ces deux héritages, et comment on peut réaffirmer l'opposition publique, et dans quel terme, pour pousser ces discussions, je ne sais pas si nous avons le temps. Ce qui serait plus intéressant, c'est les décrypter les différentes combinaisons politiques. C'est là où on est amené. Parce que même si on fait du keynésien aujourd'hui dans tous les programmes politiques de gauche, c'est keynésien en ordre néolibéral. On ne peut pas faire sauter la contrainte. Donc c'est toujours des collusions publiques-privées, marché pour marché, et petit État. Alors, sur la première question, sur le plan analytique, non, je ne dis pas public-privé, c'est une opposition. C'est un peu le contraire. On est dans une logique, j'ai utilisé la notion de circuit ou d'interdépendance, qu'il faut justement décrire très finement en termes d'acteurs sociaux, par exemple, de circulation monétaire, de qui prête à qui. Et là, effectivement, on voit à quel point c'est la Banque centrale qui va renflouer les banques, mais qui ensuite, dans une période plus faste pour elles, sont en situation de se préserver de toute forme de taxation et de repousser le prélèvement fiscal sur quelqu'un d'autre, quoi. On est vraiment dans un jeu où je pense qu'il faut revenir à une économie politique en termes de circuits et d'acteurs et d'interdépendance entre public et privé. Enfin, d'interdépendance. On a des acteurs vraiment interdépendants au sens de interdépendance fonctionnelle de Elias. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des acteurs publics, des acteurs privés qui peuvent s'opposer en même temps. C'est ça qu'il faudra arriver à articuler. Ils ont en même temps des logiques d'action qui sont pas les mêmes. Donc il y a des tensions. Et même s'ils se renforcent mutuellement, s'il y a des processus de confiance qui rendent possibles ces interdépendances et ces échanges, en même temps, il y a des situations où le poids du secteur public globalement et de l'État est plus important et d'autres moins. Ça me paraît incontestable. Toute l'histoire économique le montre. L'économie française a évolué dans les années 80 vers moins de leviers publics dans plein de domaines. domaine le plus évident, c'est le secteur financier. La libéralisation financière, c'est clair qu'on a laissé des acteurs privés en position de faire beaucoup plus de choses qu'ils ne pouvaient en faire jusque-là, ne serait-ce que parce que les normes se sont relâchées. Donc je pense qu'il faut aussi avoir une vision fine de l'espace des positions, qui est une espèce de continuum du tout public au tout privé, d'une certaine manière. Hein. Il y a une espèce de zone intermédiaire assez complexe de prise de position, avec des variations, effectivement, avec une articulation complexe aussi entre court terme et moyen terme. C'est-à-dire, on peut dire que on peut rester néolibéral en étant néo-keynésien à très court terme, même sur le plan budgétaire. Ça me paraîtrait la position extrême, la position la plus à gauche dans l'espace du néolibéralisme. Du côté ultralibéral, la position, me semble-t-il, la plus conséquente consiste à dire que la Banque centrale n'a pas lieu d'être. La Banque centrale, c'est une institution publique qui doit être remplacée par les émetteurs privés. Enfin, et effectivement, c'était la position de Friedman. Enfin, il y a un certain nombre de théoriciens. Friedman, qui a reçu un prix Nobel d'une banque centrale, a commencé par dire « c'est quand même un paradoxe que vous me mettiez un prix Nobel, alors que je suis contre les banques centrales. Enfin, » donc voilà, on aurait à l'opposé cette position-là. Des positions, disons, purement étatistes, ça existe aussi, qui peuvent être d'ailleurs de gauche et nationalistes. Il y a aussi des positions, historiquement, qui ne sont pas des positions marxistes, mais qui prônent la nationalisation. Bon voilà, je pense que au moins la crise a montré que ces débats n'étaient pas fermés, que le néolibéralisme n'avait pas clos les enjeux autour de la frontière, des frontières entre ces différents types d'acteurs. Et par ailleurs, l'opposition symbolique, elle reste là. C'est-à-dire que voilà, on ne peut pas la gommer comme ça parce qu'elle structure l'opposition publique-privée, elle structure beaucoup d'univers. L'univers du droit, énormément d'univers restent structurés par cette opposition. Mais dire ça ne signifie pas nier l'existence d'interdépendance ou d'acteurs qui sont en interrelation extrêmement forte. Voilà, il faut arriver à articuler les deux. Et là, en faisant ça, moi, je reste descriptif. C'est-à-dire, je suis pas sur le plan normatif. Je dis pas qu'il faut aller vers le tout public, par exemple, qui serait une position qu'on pourrait défendre. Hein, mais là, je me situais pas sur ce terrain-là. Je pense d'ailleurs que c'est une question qu'il est difficile de traiter en termes purement abstraits. C'est-à-dire, comment re-réguler et mieux réguler. Il faut la poser en termes de comment, par exemple, mettre en place une taxe Tobin. Voilà. Aujourd'hui, le vrai enjeu, il est là. On a Christian Noyer, gouverneur de la Banque de France, qui dit, mais oui, c'est pas, je comprends les objectifs de la taxe Tobin, mais il faudrait qu'il n'y ait plus un seul paradis fiscal pour la mettre en œuvre. Sinon, un paradis fiscal va aspirer toute l'épargne mondiale. C'est une question sérieuse. C'est vrai, il a raison. Un paradis fiscal va aspirer toute l'épargne mondiale si on met en place la taxe Tobin à un niveau élevé, sans s'assurer qu'il n'y a plus de paradis fiscaux. Donc, je veux dire, l'action publique, c'est pas quelque chose de simple qui se résout comme ça. Il y a des vrais enjeux sociaux. Après, moi, je le soupçonne d'être totalement hypocrite et en fait d'être totalement hostile à la taxe Tobin, évidemment. C'est une bonne couverture. Mais ça, c'est évidemment. Là, on est dans l'analyse cognitivo-discursive, c'est-à-dire il dit des choses, mais en même temps, le message sous-jacent, souterrain, c'est évidemment, bon, arrêtez les gars, vous voyez bien que c'est un truc pas sérieux, on n'arrivera jamais à avoir une économie sans paradis fiscal. Non mais, je parle en termes de ce que je dis, ce qui est difficile, c'est de penser intellectuellement les deux en même temps, l'interdépendance économique et financière, et les oppositions publiques-privées. Alors, les banquiers centraux, les économistes macro-globaux, ça fait une interdépendance technologique, profitabilité, avec des entreprises très très précises, des taux de profit, ils savent combiner les publics, ils savent faire ces jeux que vous avez dit. Et le citoyen lambda, il est structuré par des cultures politiques, public prévu ou à peu près, il voit très bien les collusions et il réagit par rapport à son budget fiscal, quoi. Pour l'ISF, par exemple. Puis l'interdépendance, c'est un halo à supposer qu'il soit bien informé, qu'il ait beaucoup. Donc les jeux de connaissances, ils ne sont pas asymétriques, c'est même un peu opposé. Intellectuellement, c'est assez bon, c'est sûr, parce que c'est ça. La matrice des interdépendances, c'est une question de ce qui est possible. Et des rapports privés dans ces nouvelles disciplines, c'est comme l'économie, tout ça, c'est la globalisation. Je ne sais pas comment vous le résolvez dans le livre, ou si vous posez juste le problème. Oui, enfin, j'ai essayé, en tout cas, de poser le problème. Je ne suis pas sûr de l'avoir. Ça va apporter une solution. Mais... Les cultures politiques, elles sont cisaillées par cette opposition. Elles s'adhèrent le public et le privé. Opposition, comparaison, mais les interdépendances économiques, c'est délégué à différents discours. On peut avoir parlé de transition politique. j'ai trouvé les NGO comme, qui sont transnationales là, comme vecteur de sens de ces contradictions. C'est des incertitudes politiques. J'ajouterai une question, mais qui est assez différente, sur la. Sur la question de l'intégration finalement des économistes dans l'ensemble des groupes des décideurs, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme, je ne sais pas dans quelle mesure ils sont organiquement liés, bien qu'il y ait effectivement des liaisons assez importantes, est-ce qu'il n'y a pas un sous-groupe social qui a aussi désormais ses entrées de plus en plus fortes, finalement partout, à un niveau beaucoup plus moyen, beaucoup plus terre à terre, en fait, mais qui est le groupe des gestionnaires, parce que, on a l'impression qu'il y a une espèce de domination absolument massive désormais, une vraie prise de pouvoir sociologique des gestionnaires qui, eux, sont absolument partout, à tous les niveaux de décision aussi, et qui sont vraiment les vrais gestionnaires de la rigueur, voilà, dans tous les effets de comptabilité, de parcimonie, de mise en œuvre de toutes les politiques de rétention, de la dépense, etc., de l'économie. Donc là, dans quelle mesure ils font partie du staff économique au sens propre du terme, du groupe des économistes, si c'est un groupe plutôt subordonné, j'ai plutôt l'impression que c'est un groupe subordonné, un groupe plutôt qui travaille dans l'exécution, mais est-ce que c'est confirmable sociologiquement, oui, le fait que ce groupe-là a effectivement une importance? Ben, il y a beaucoup de travaux sur la montée de la nouvelle gestion publique qui est portée quand même à la base par des théoriciens de la gestion, oui, même si elle a un lien avec la théorie économique, hein, le modèle principal agent, etc., mais elle s'est quand même surtout développée dans les sciences de gestion. Et c'est diffusé à travers des technologies de gestion, des technologies de management dans les organisations privées et publiques. Ça, c'est absolument incontestable. C'est le rôle des consultants, hein, qu'on voit, y compris à l'université. Enfin, je suis frappé par la capacité des universitaires, quand ils ont un problème, aller chercher du côté du consultant un dispositif qui va mettre en place des réunions participatives, etc., etc. Enfin, on est en train de vivre ça, c'est assez frappant. Donc évidemment, c'est des groupes très très importants dans la transformation des organisations, dans le sens de la managérialisation, du benchmarking typiquement, parce que les cadres de référence sont assez unifiés, et grosso modo, c'est effectivement l'idée de maximisation de la performance. Il y a une certaine solidarité avec la théorie économique de ce point de vue. Alors je pense qu'il faut quand même introduire la diversité des sciences de gestion et des profils de gestionnaires. C'est un domaine disciplinaire qui est extrêmement hétérogène, très hétérogène, avec sans doute une domination de la finance, qui est une branche des sciences de gestion, au niveau académique, mais aussi à l'école de hautes études commerciales, dans les grandes business schools. La finance étant évidemment une discipline, finance de marché, je parle surtout de la finance de marché plus que de la finance d'entreprise, mais elle a colonisé justement la finance d'entreprise et la comptabilité, la finance de marché, qui est complètement en cohérence avec le modèle microéconomique dominant et avec la financiarisation par définition. Ça, c'est très bien décrit par les spécialistes de comptabilité qui se sont sentis en quelque sorte écrasés par la montée en puissance de la finance, qui était souvent assez critique, qui avait des conceptions en France en tout cas assez critiques de la comptabilité et de ce qu'on peut faire avec un bilan comptable, de ce qu'on peut mesurer, des normes comptables qui étaient moins financiarisées qu'elles ne le sont aujourd'hui. Avec les normes IFRS, il y a eu une évolution des normes comptables dans un sens de plus en plus anglo-saxon et de plus en plus financier, court terme. Tout un ensemble de dispositifs qui sont conceptuellement issus du paradigme économique, c'est l'actualisation. Il y a des travaux de Dave Capello là-dessus, Michel Capron, enfin il y a un ensemble de collègues en sciences de gestion justement qui montrent à quel point les sciences de gestion n'ont pas toujours été à ce point financiarisées qu'elles le sont aujourd'hui. Par ailleurs, il y a la gestion des ressources humaines qui, dans certains cas, est assez critique et peut être, du côté académique en tout cas, assez proche de la sociologie. Mais évidemment, c'est une discipline qui est compliquée parce qu'elle est opérationnelle et académique. Elle est comme le droit, elle a ses deux jambes, comme l'économie aussi, mais l'économie à un autre niveau. Il est clair qu'il y a une concurrence très forte entre économie et gestion, y compris en termes académiques. Le tiraillement très fort. Il y a une vraie lutte de concurrence, et je pense, dans tous les pays. Il est possible qu'il y ait des évolutions un peu imprévisibles de ce point de vue. Les sciences de gestion ont quand même cette caractéristique d'être un peu moins fermées sur un modèle corseté qui refuse toute pollution des sciences sociales extérieures. Les sciences de gestion, j'ai l'impression que c'est un domaine qui est quand même plus poreux, plus ouvert, avec plus d'échanges. Ça, c'est peut-être une impression personnelle aussi, que j'ai des sciences de gestion, mais d'après les travaux de Fabienne Pavy, par exemple, sur l'institutionnalisation des sciences de gestion, il y a eu quand même des travaux là-dessus. C'est pas tout à fait. Alors, après, il y a une autre question que vous posez qui est celle des cadres formés au management. Des cadres managériaux, disons pas les ingénieurs, mais. Et là, ce qui est frappant, effectivement, c'est. Ils ne sont pas tant que ça formés à la théorie économique, ils sont surtout formés à la gestion, effectivement, et aux dispositifs, aux techniques de la gestion. Et moi, j'ai repéré, par exemple, dans l'univers des banques centrales, une montée des gestionnaires, notamment dans les pays émergents. Alors que c'est un domaine, pourtant, on s'imagine, la banque centrale, c'est la politique monétaire et la macro, principalement. Et secondairement, le droit, puisque c'est la régulation des marchés, et en particulier du système bancaire. Les normes, Bâle 2, Bâle 3, etc., c'est un domaine très juridique, en fait. Et on voit apparaître une montée de détenteurs de diplômes en sciences de gestion, management, notamment dans les pays émergents. Les gens qui ont des formations plus pratiques, plus pragmatiques, mais qui se forment, je pense, sur le tas à la politique monétaire, parce qu'on ne peut pas piloter au niveau, en tout cas, au conseil de politique monétaire, une institution comme la Banque centrale sans être un peu un économiste. Voilà, j'ai pas répondu sur. Sur Bourdieu et les... Non, moi je pense que ce que je fais surtout dans le prolongement des structures sociales de l'économie, ce que j'ai présenté là en tout cas, y a un aspect qui me rapproche de choses qui sont développées dans les méditations pascaliennes, c'est la réflexion que je mène actuellement sur la notion de domination symbolique et de capital symbolique, dont je considère que c'est une des formes de capitaux les plus complexes, évidemment, à traiter, à analyser, et en même temps, probablement les plus importantes pour réinjecter dans la compréhension de l'économie tout ce qui en a été exclu, justement, par la théorie économique. Y compris en essayant de mesurer les inégalités de capital symbolique, en profitant de l'espèce d'ouverture liée à ce développement de l'économie du bonheur, du bien-être, etc., où on mesure le capital social, le capital humain et le capital culturel, on dit plutôt capital humain dans cette littérature qui reste très, très utilitariste, le capital physique, etc. Enfin, on peut pas intégrer le capital symbolique, qui est un capital complexe, mais en même temps le plus collectif des types de capitaux, parce que le capital symbolique dépend du regard des autres. C'est le social presque par excellence. La notoriété, la visibilité, c'est très lié à la perception, c'est très sectoriel. On acquiert un capital symbolique dans un univers spécifique. On devient un sociologue de renom, un économiste de renom, etc. Donc c'est pour moi un défi assez intéressant. Et dans les méditations passionnées, il y a une très très belle page sur ce qui est finalement fondamental pour Bourdieu, c'est quand même le capital symbolique. C'est la reconnaissance de l'existence. C'est un travail analytique. Le mur dynamique entre les anticipations et les intérêts. Il montre bien les tensions. Oui. Les anticipations se passent sur les capitaux symboliques. Parce que ça permet de répondre à la fois à des questions non marchandes, à des questions économiques passives. Il y a l'anticipation, il y a l'intérêt, l'intérêt avec la passion, puis l'intérêt avec l'intérêt. Oui, oui. Je pose cette question-là parce que Lordong, ce que j'ai compris de lui, il travaille là-dessus. Le conatus, c'est une façon. Oui. Mon habitus se met en œuvre pour. Raisonner des intérêts économiques. Mais c'est plus pas fort. Pas qu'économique d'ailleurs, je pense. Non. Pas qu'économique, les intérêts en général. Oui, même les intérêts symboliques. Je pense qu'il essaie d'intégrer les intérêts symboliques lors de son analyse, pour ce que j'en connais. Non, parce que pour répondre au jeu d'économie marginale qui est assez fort, l'ère de turbulence, on ne peut pas neutraliser la question des anticipations. On ne peut pas répondre. Le public, c'est l'État qui a la vision à long terme, qui donne le projet, le plan, le programme. Ça, c'est la réponse publique à 50. Le capitaliste vous répond, mais où sont vos anticipations bancaires, banque centrale. Le jeu d'anticipation pervase toute la perception pratique de l'économie. Il vient décaler les concepts un peu statiques. C'est là-dessus où je joue la dynamique intellectuelle et financière. Oui, je suis d'accord. La notion d'anticipation, pour moi, est fondamentale. Et mais en faisant une théorie critique ou une théorie publique une théorie... Mais c'est une notion qui a été le cœur de la sociologie économique durkheimienne, par exemple. Chez Simian, la notion d'anticipation est fondamentale. La confiance, la croyance dans la monnaie, c'est la clé de tout. C'est vraiment la variable clé. mais les anticipations sont collectives. Alors c'est vrai que la notion d'anticipation a été prise en charge par la théorie économique de manière extrêmement lourde jusqu'à la notion d'anticipation rationnelle, qui aujourd'hui, heureusement, semble moribonde. Ça, c'est quand même un des acquis de la crise. C'est là, quand même, c'est l'idée que on est dans un système où, finalement, toutes les anticipations sont rationnelles et fondées sur une théorie économique, là, ça semble quand même difficile à défendre. Quoi. C'est une utopie un peu délirante. Mais je trouve que, pour le coup, les sociologues ne font pas assez de travail empirique sur les anticipations, je suis d'accord. Et y compris les anticipations de salaire, de prix. C'était ce que faisait Simion, c'était ce qu'il voulait faire, en tout cas. C'était son projet intellectuel. C'était essayer de comprendre la dynamique courte et longue de l'économie par le jeu contradictoire des anticipations des acteurs. C'était vraiment. C'était d'ailleurs pas très éloigné de choses que Keynes fait d'une autre façon, quoi, dans un cadre plus formalisé et à court terme. Mais il y a des ponts. Hein. Bien, je crois. Dépasser. C'était, oui. Bon, merci beaucoup en tout cas. On a eu, enfin, la discussion prouve que vraiment on avait beaucoup de choses à dire. Donc je rappelle que la prochaine conférence sera celle de Christian Lavara qui portera sur la question de la subjectivité dans l'univers du capitalisme. Donc ce sera au mois de, je crois que c'est fin mars, Christian Lavara, mais bon, ce sera annoncé sur notre liste. Merci de nouveau donc à Frédéric Le Baron et merci et à bientôt pour tout le monde.